FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. On sait à notre retour avec une émission spéciale juste avant le début du Grand Prix de Trois-Rivières. Une heure de c'est un fait et une heure de sexisme, mais ça ne devrait pas rouler là. Et pour terminer en beauté, la bouffe et la malbouffe de la semaine à Assemblage Requis tout de suite. Bienvenue à l'Assemblage Requis pour cette semaine du 4 août 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. C'est Steph. Salut, Matt. Et pour les gens qui ne savent pas, à la maison, ça fait depuis le début du mois de juillet, le 3 juillet, qu'on n'a pas animé Assemblage Requis, même que tu n'étais pas là cette semaine-là, si je me rappelle bien. Ça se peut. Écoute, moi, je te dirais pas juste Assemblage Requis. Moi, j'ai rien animé. Non, moi non plus. Ben, j'ai animé, oui, ça a commencé lundi. Tu menteur. Ça fait depuis lundi, mais avant ça, un mois sans aucune émission. Ouais. Ça fait du bien de revenir. Mais écoute, j'étais pas sûre dans quoi parler, là. J'hésitais entre mon smoothie puis mon micro. C'est comme si tu te demandais, c'est comme dans pub, tu sais, l'affaire à micro ouvert, tu sais. Micro ouvert la bière, tu sais pas, micro ouvert. Ouvert la couleur. Ouais, ouvert de terre, c'est pas. Ou micro, tu sais, un des micros. Ou... C'est tout. C'est ça. Wow, on a des bons gags pour commencer cette émission. Hey, c'est fort. Et là, vous demandez, vous qui écoutez le jeudi en direct 7 août 2014, mais qu'est-ce qu'ils font le matin, hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Parce que d'habitude. Ils sont pas couchés encore. J'avais l'impression qu'il était 6h30 quand je m'en revenais le matin, ça. Ah ouais, hein? Tu sais, en marchant, 6h30, ouais, mais non, il était comme 8h45. Le truc, c'est d'ouvrir tes yeux pour qu'il fasse clair. Ah ah! C'est ça la twist. Oui. Non, d'habitude, à l'automne et à l'hiver, on est le matin de 7h. Quelques à 9h, mettons quelques. Ça, c'est les matins en temps normal. L'été, on est les jeudis après-midi. Et là, on s'est dit, on va faire une émission matinale estivale. Ouais, oui. C'était tout à fait volontaire. Mélange des deux, oui, c'est pas du tout parce qu'on couvre le Grand Prix à partir de 11h20, heure de l'Est, tout à l'heure, ici même sur nos ondes. Assez fou. Donc, on a pris la case horaire avant ça. Hein? Oui, puis on a-tu une intro de char? Pas pour l'intro de char, non. Pas la faire cliché de main. Tu veux pas qu'on la fasse à capella? Ah, OK. Oui. Ah, tu veux qu'on recommence l'émission, hein? C'est ça? OK. Est-ce que tu fais l'autre minute? T'as arrêté les trois. On fait ton anglais? OK. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Quel succès! On voulait faire une compilation de nos meilleures chansons d'Assemblage Requis. Peut-être que celle-là sera une pièce bonus à la fin. Ça. Ah oui, une pièce cachée, c'est tellement in! Oui, tellement! Donc, aujourd'hui, l'émission, étant donné qu'on est dans une case horaire très particulière pour le Grand Prix, ben, on a 2h20 au lieu de 3h. D'habitude, on a 3h l'été. Ouais, mais ça dépend. Des fois, on commence plus tard, puis on finit plus tard. On commence plus tard, puis on finit plus bas. Tu sais, c'est jamais vraiment des chiffres. Ben, fuck the system, logique. Comme on dit. Ouais, c'est ça. Fuck the system. Donc, on va faire 2h20 environ aujourd'hui. Et on vous a préparé donc une émission particulière. On va faire ça différent d'habitude. Donc, on va faire deux chroniques d'une heure. On se garde, là. On se garde vraiment. On fait que du c'est un fait en première heure. Ensuite, que du sexe, mais ça devrait pas, on l'a en deuxième heure. Et après ça, un petit peu vers 11h, là, peut-être un petit peu avant, un petit peu après, on va faire la bouffe et la malbouffe de la semaine. Et voilà. Est-ce que t'as amené tes trucs qui sont cachés dans un frigo à quelque part? Non, ils sont encore dans ma sacoche. OK. Donc, ça se tient dans une sacoche, ce truc-là. Donc, c'est pas congelé. C'est pas... Ben, je sais pas. Parce que ta sacoche est aussi un cooler, donc tu peux la mettre dans ta sacoche. Non, non, mais pourquoi je pourrais pas la porter congelée? Tantôt, je t'ai dit, je voudrais que j'aille la mettre, go! Je t'ai écouté, ça. OK. Yeah. Fait que ça peut être entre les deux. Peut-être que j'attends que ça dégèle. Ah-ha. C'est pas de la crème glacée. Ah ah, c'est peut-être comme l'émission estivale matinale, on attend qu'elle dégèle. On attend qu'elle se réchauffe pour qu'elle soit prête pour aller se faire. Là, c'est pas une bonne analogie du tout, ça. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas animé avec toi, hein, fait qu'il faut qu'on pratique nos gags. Ouais. On commence, c'est un fait, dans quelques instants, mais avant ça, j'ai décidé d'amener ma propre musique aujourd'hui à la place d'aller dans le palmarès parce que... Ok, tu te gardes vraiment intense, là. Ben, quand même. Cet été, en vous épargnant tous les détails qui intéressent personne, je travaille sur l'émission, Assemblage requis, tu sais, pour la rénover comme ça doit, à un moment donné. Hein? Ouais, oui, justement, tu vas avoir une émission à Canal Vie, je crois. C'est ça, Canal Vie. Co-animé, en fait, avec Saskia Tuot. Rénovons notre émission en Floride. Exactement. Donc, je vous ai amené une pièce d'un CD qui peut-être sera utilisée pour quelconque raison. J'essaie de le regarder, tu bouges beaucoup trop tes mains. Parce que je veux que ce soit une surprise. Ah, on dirait les comédiens de Friends, de loin. On dirait, mais c'est pas ça. Donc, on s'en va entendre. Voici The 88 avec At Least It Was Here. Sur C'est Fou, 89 FM. Give me your hands, show me the door. I cannot stand to wait anymore. Somebody said, be what you be. We could be old and cold and dead on the sea. But I love you more than words can say. Well, I can't count the reasons I should stay. Give me some love, time and a dream. At least it was here, full length version. Assemblage requis. Steph, ça va toujours? Oui. Moi, moyen, mon Chrome est en train de planter, c'est l'ordi. Ok, tu voulais pas savoir du tout comment j'allais. Tu voulais me partager ton malheur. Ben, les choses importantes de la vie. Puis, ça vient de planter encore. Ça fait 3 fois depuis hier que Chrome plante dans ma face, puis sur 2 ordis différents, je pense qu'il y a pas un. Ben, coudonc, on va rechanter l'intro. OK. Allez, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas tant que ça. Mais non, à la place, on va juste aller entendre une autre chanson du même CD. C'est le même, ça marche. Ben, pourquoi pas? J'ai pas eu ça. Ah, c'est super bon. Pour vrai, c'est vraiment très, très bon. C'est bizarre, j'ai pas eu ça. C'est bizarre, pas eu ça. En fait, je me demande juste laquelle on s'en va entendre parce que c'est toutes des chansons qui ont comme pas rapport avec grand-chose. Donc, on va écouter celle-là. Tiens, If I Die Before You. Est-ce qu'on a rapport avec quelque chose? J'aime bien ma vie. Lovely Gurnson, If I Die Before You, à Assemblage Rocky. Tantôt, j'ai dit que j'avais utilisé ces deux-là pour peut-être rénover un peu l'émission. Si vous aimez pas les sifflottements, hein, ben, Colin, prenez votre mal en patience. donc, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, édition estivale matinale avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Et la première chronique sur le bord, et celle-là, elle va être sur le bord longtemps. C'est un fait, dans le sens qu'elle va être longue. Elle va être sur le bord de l'émission, mais longtemps. OK, attention. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Plus aigu cette fois-ci. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Ton dos, c'était pas plus aigu, c'était juste plus ailleurs dans ton corps. Out there, ça sortait du nez. C'est un fait, c'est la collègue des choses véridiques, véritables et vérifiables. Vrai, oui, ça? Sur Internet. Sur Internet, oui, selon Internet. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Il y a les sources dedans. Je ne vais jamais les, mais elles sont là. Evian, Dasani. Les sources d'eau, c'est fort. Non. Ils vendent des téléphones, je pense. Non, ça, c'est la source, la boutique. Eh bien, commençons avec les popsicules. Oui. D'habitude, ça finit pas par cul. Popsicule. Les popsicules qui se séparent en deux. Ben comme oui. Les twister puis les séparer puis les partager. Les twister, non, moi ça pète tout le temps. Ah, tu fais quoi, tu lis? Ben je le pète dans le papier. Ah, d'accord. Puis tu sais. Ben ces popsicles-là, c'est inventé pendant la Grande Dépression. Ça veut dire ça. C'est vrai que c'est bon contre la dépression. C'est tout à fait vrai. Un par jour. On laisse tomber le Valium. C'est ça. Éloigne le malheur pour toujours. Donc, la marque Popsicle, parlons de Popsicle en général. C'est un nom évidemment bien connu en Amérique du Nord. Popsicle qui a été inventé en accident, par accident en 1905 par Frank Epperson. Il avait 11 ans. Il a laissé un mélange de liqueur, d'eau et de bâton, un paquet d'affaires comme ça, dans un verre à l'extérieur sur son balcon alors qu'il faisait super froid la nuit. Il a trouvé ça congelé le lendemain et il a trouvé ça très, très délicieux. Attends, ça bouge chien. Lorsqu'il y a eu les enfants lui demandaient toujours le icicle, tu sais, comme un glaçon. Un glaçon qui descend du tout. C'est la version de Apple, ça? Le icicle, c'est ça. Ou le nouveau vélo d'Apple, un jour. il demandait tout le temps le icicle de leur père. Donc, Popsicle. Pop, comme le père. Ah. Popsicle. Donc, il a changé le nom. Avant, c'était Epsicle, le nom de son invention. Et il a changé ça pour Popsicle avec un petit R Registered Trademark en 1923. Il a appliqué pour un brevet. C'est pour ça qu'on a le petit Registered Trademark. Pendant la Grande Dépression, donc pour revenir aux Popsicle jumeaux, aux Popsicle double, les Popsicles sont devenus un luxe. Donc, pour permettre aux enfants de pouvoir en manger à plus, pour moins cher, ben on a fait des twin popsicles et donc les enfants pouvaient s'acheter un popsicle double pour seulement 5 cents. Et tu peux le partager avec ton ami. Et voilà, pour beaucoup moins d'argent. Ou tout le manger, parce que t'es un gros cochon. Ou de t'en acheter deux et d'en avoir quatre. Ça, c'est parfait. Ensuite, l'idée d'un sel de designer, un sel de luxe, tu sais, parlant de choses luxueuses comme les popsicles à l'époque de la Grande Dépression. Ouais, ouais. L'Américain moyen consomme environ deux fois la limite recommandée quotidienne de sel. Donc, trop de sel dans ta diète, ça peut mener à une haute pression ou encore des maladies du cœur. Ceux qui fabriquent les chips Lay's connaissent ce problème-là et ont trouvé une façon de baisser les risques, de réduire les risques sans compromettre le goût de leur croustille. Donc, ils développent un nouveau sel de designer. Ah! C'est bizarre. Les cristaux de ce sel-là sont en forme et en grandeur différente du sel normal et donc ça va réduire le sodium que les consommateurs vont manger pendant qu'ils mangent leur collation. Étant donné que notre langue perçoit le sel différemment, environ 80% du sel sur une croustille va être avalé avant qu'on goûte même au sel. Oui, j'en doute pas. Sauf ceux qui sucent leurs chips. Ah, ça m'écœure. Non, mais c'est bon. Ah, autant que tu les enlèves pas de ta bouche après. Non. J'avais une amie, là, elle les prenait, puis elle vraiment les lichait. De l'extérieur, tu sais, tu la voyais licher. Ouais. Tu voyais la chip d'origine en dessous. Donc, 80% du sel est dans notre ventre avant d'y goûter. Seulement 20% est dissous. Et goûté par notre langue, donc. C'est pour ça que les inventeurs, les manufacturiers des chips Lay's utilisent maintenant un ingrédient poudreux qui goûte exactement comme le sel. Ça donne un genre de petit kick salé et ensuite un corps de saveur et une sensation qui reste en bouche, nous disent-ils. Hein? Mais tout ça avec moins de sel. Avec moins de sel. Ah. C'est vraiment, vraiment cool. Ils ont testé ça aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les gens qui les ont mangés ne pouvaient pas faire la différence entre le nouveau sel et le sel conventionnel. D'ici 2015, Lay's devrait contenir 25% moins de sodium en général dans leurs chips. Et ça, c'est sans compter déjà le sac qui est à 25% moins de sodium encore. C'est exact. Ah, celui-là va avoir 25% moins de sodium que ceux qui ont encore moins donc, de sodium. Donc, ça va être 50% non. de ce qu'il y a présentement. Genre, c'est pas merveilleux, wow. ça? J'ai très hâte de goûter à ça. J'ai hâte pour le kick de saveur et ensuite la saveur qui reste en bouche. Non, non, mais attends, là. Les consommateurs ont dit qu'ils voyaient pas la différence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que donc comment ça fait que Lay's dit que ça va te donner un punch dans la gueule? Ben, ouais. ça peut donner un punch comparativement à la quantité de sel que t'as. Okay. Tu sais, si t'en as moins, bien que ça frappe aussi fort, mm-hmm. on peut appeler ça un punch. Peut-être. Mais faut que... t'imagines, mettons, Hulk, tu frappes, okay. tu fais comme, ben, tu sais, tu t'y attendais. Uh-huh. Mais admettons que c'est Dédé dans Fort Boyard qui te frappe et que ça fait aussi mal que Hulk. Je pense que tu peux dire, ouais, ça punchait pour la quantité qu'il y avait. Wow, hey, ça, c'est un excellent hein? exemple. T'as des analogies pas mal meilleures que les miennes, aujourd'hui. Merci. Ça fait plaisir, mais c'est vrai en plus. qu'est-ce que j'allais dire? Que oui, il fallait l'essayer. Et en plus, je me demande, je pense que côté marketing, je me demande s'ils vont tant que ça mettre l'accent là-dessus. Je sais pas. Parce que c'est bon pour la santé, mais tu sais, mettons McDo. Non, c'est pas bon pour la santé, c'est juste moins pire pour la santé. Mais tu sais, parce que j'entendais que McDo essayait beaucoup de recettes pour enlever des affaires qui sont moins bonnes dans leur nourriture, du gras, du sel, des trucs comme ça. Sauf que quand ils disaient aux gens, les gens avaient l'impression que c'était moins bon. Mais dans le fond, quand tu leur dis pas qu'il y a un changement, ils trouvent que ça goûte pareil. Parce que de toute façon, tu vas au McDo, puis... C'est psychologique, leur affaire. C'est déjà une mauvaise idée. Exact. Une autre mauvaise idée pour ce prochain gars-là, c'est de se rendre dans un bar et de boire de la bière. Parce qu'il y a un gars en Grande-Bretagne qui est devenu une genre de brasserie ambulante, si on veut. Ceux qui fabriquent de la bière, c'est des... Des brasseurs. Brasseurs, voilà. Donc, un brasseur ambulant, mais dans son ventre. Donc, la vie n'est pas un plaisir pour lui. Et je pense que si tu avais cette situation-là dans ta vie, je pense que tu resterais pas longtemps sur cette planète. Donc, Matthew Hogg souffre du auto-brewery syndrome. On appelle ça aussi le gut fermentation syndrome. Donc, il y a un excès... encore une fois, je te demande beaucoup ton aide aujourd'hui. Du yeast. C'est de la levure. Voilà. Merci pour ton aide. Oui, ça fait plaisir. J'aime ça avoir la réponse quand je la demande, la question. Un excès de levure dans son petit intestin. Ce qui fait que ça crée de l'alcool, c'est absorbé directement par le sang à chaque fois qu'il mange des grains entiers, de la nourriture qui a du sucre dedans, comme, mettons, du pain. Tout ce qui va nourrir la levure, finalement. C'est exactement ça. Le champignon. Donc, du pain, des pâtes, de la nourriture, tu sais, process, là, tu sais, genre des plats avec des agents de conservation, des trucs comme ça. Donc, il est tout le temps dans une genre de situation où il est entre... genre pompette et chaudasse, genre. Mais, pis il doit être ballonné? Pas si pire que ça. Il est pas si pire. Il a l'air costaud, je trouve. Non, ballonné, je veux dire, dans le sens qu'il doit avoir des gaz. Je pense que c'est un mot sympathique pour un gros. il doit bien ballonner. Il doit être ballonné. Non. Dans le beurre, dans la poêle. Ouais, j'imagine que t'as des ventres en... Tu sais, je veux dire, c'est parce que ça fermente. Quand ça fermente, ça fait des gaz. Mm. C'est, je sais pas. C'est la vie. Fait qu'il est chaud pis il pète. Ça doit tellement être agréable d'être avec lui. Et il y a une fille sur sa photo en plus pis ils sont dans un bar. Tu sais, les journaux, ils font ça. Quand ils font un article sur quelqu'un, il faut absolument qu'ils le prennent dans un bar avec un verre de bière pis déçu de pas pouvoir en boire. C'est le mot, le journaux. Hein? On s'entend, on va se le dire. On va se le dire. Donc, la vie de Matthew est tellement affectée par ça négativement qu'éventuellement, il a dû appliquer pour un disability grant, donc un truc là, pour une personne invalide. Ah, OK, oui, tant que ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des problèmes de dépression, etc. Il y a de la misère à se concentrer, il se sent toujours fatigué. Il est un petit peu toujours lendemain de veille, tu sais. C'est pas drôle pantoute, ça. Du tout. Il peut pas suivre ses rêves. Il voulait devenir pilote ou ingénieur ou athlète professionnel. Il souffre de ce syndrome-là depuis 20 ans. Wow. Ouais, c'est triste. Malheureusement pour ce Matthew. J'imagine qu'il peut pas boire d'alcool non plus, là. J'imagine que non, à moins que vraiment, c'est tant qu'à être sous. Tu peux même mourir, tomber dans le coma. Un coup dans gueule suivi d'une sensation de saveur qui reste longtemps, comme les chips. Malgré ce qu'on en pense, parlant de boisson, tu sais, taper sur une canette de liqueur sur le dessus. Ouais. Ben, sur le dessus, ça sert à rien. Faudrait que ça soit en dessous. Non, sur le côté. C'est ben, ça pourrait être en dessous aussi, j'avoue, sur le côté ça et en dessous, les deux. Pourquoi ça. Pourquoi? Parlons-en. Donc, on sait tous qu'une canette de liqueur brassée, ben, Colin, c'est jamais le fun à ouvrir. Ça explose. Ça dépend, des fois, ça peut être drôle. Oui, ben, c'est voulu. C'est. Donc, on tape dessus, on se dit que tout ça va bien aller. Et la plupart du temps, en effet, ça va bien. Mais c'est parce qu'elle était pas brassée, ta canette de liqueur. Elle était déjà correcte. C'est ça. Donc, ça a rien changé, mais t'as psychologiquement l'impression que tu t'es sauvé à la vie. T'sais. Non, ça, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Même, je le fais à cette heure. Oui. Donc, lorsqu'une canette de liqueur est brassée, les bulles vont se former sur les sites de nucléation des côtés de la canette. Et là, les détails sont beaucoup plus volumineux que ça. J'ai essayé de le lire hier et de le comprendre. Je me suis dit, si je le lis en nom, je vais avoir l'air d'inventer des choses, puis je vais sûrement pas mettre les mots dans le bon ordre. Est-ce que je m'essaye quand même? Donc, le site de nucléation, c'est une petite discontinuité dans la canette qui va encourager la dissolution des gaz lorsque l'équilibrium est dérangé. Et une bulle de CO2 va pousser, va grandir, va se créer là, jusqu'à ce que les forces la séparent de la surface. À ce point-là, elle va monter vers le sommet de la canette et une autre bulle va immédiatement commencer à se former sur ce site de nucléation du côté de la canette. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai pas lu. Plus de deux fois, parce que je comprends rien. Okay. Si Justine avait été là, elle nous aurait dit « Ben voyons, voilà! » Elle parle pas de même. Je suis pas capable de faire par pour comme toi. Bon, voilà. Donc, ces bulles-là vont se former sur le côté de la canette et taper sur le dessus, donc, fera absolument rien. Si vous tapez sur le côté de la canette, ça va libérer les bulles de ces sites de nucléation-là. Et ensuite, tu vas pouvoir, de façon sécuritaire, ouvrir ta canette de liqueur. Tu vas changer tes habitudes maintenant? Tellement. Sur le côté, je l'ai fait hier. Ça a marché. Ben, ça a marché. Tu brassais avant? Non. Tu veux dire, ça a juste pas explosé comme d'habitude? C'est exactement ça. l'article, la nourriture la plus profitable sur le menu de McDonald's, selon toi, qu'est-ce que c'est? Ils font plus de profit sur quel article chez McDonald's? Quel article? Quelle nourriture? Quel item, comme on dirait en mauvais français? Les frites. Non. Le Big Mac. Non. Les croquettes. Ah non! La crème molle. Non plus. Personne ne va s'attendre à ça. Attends. Okay. Les chaussons. Non. Attends un peu. Le ketchup. Non. La liqueur. Oui, ça t'a pris juste genre 8 fois. J'ai quand même pensé. Ben, t'es bonne. Mais c'est pas tant de la nourriture que du breuvage. Est-ce que tu... Ben, vraiment? Donc, le Journal of Agricultural and Resource Economics nous dit que le plus de profit dans les articles, dans les restaurants, sur leur menu, c'est les boissons et les à côté. Donc ça maximise les profits de l'entreprise. McDonald's, par exemple, dépense entre 13 et 18 cents pour produire une liqueur. Tu sais, là, présentement, ils sont en spécial à 1$ l'été. Ouais, OK. Le profit par rapport à ce que les autres payent. Là. C'est exact. La marge de profit. Ça coûte rien. Absolument rien. Ils nous la vendent en temps normal, quoi, 1,50$, j'imagine, la liqueur. Là, trop cher. Donc, 13 à 18 cents pour la produire. Ça inclut, attention, le sirop, le verre, l'eau, la glace, l'électricité, la main d'œuvre. Et les déchets que ça fait. Et donc, il faut payer pour entretenir ces déchets-là. Ça compte tout ça entre 13 et 18 cents. Mon Dieu! C'est vraiment quelque chose. Et qu'on sache ça, c'est qu'ils ont fait des études en motel. Donc, si, en plus, le client, et là, vous avez remarqué, chez McDonald's, depuis qu'ils ont fait des rénovations dans chaque succursale, c'est que vous versez vous-même votre liqueur. Donc, t'enlèves la main-d'œuvre. Ouais. Donc, plus de profit. Donc, un verre moyen de liqueur chez McDonald's coûte en moyenne 15 cents ou moins. Le profit typique, donc la marge de profit sur les breuvages en fontaine, est d'environ 85%. La marge de profit de McDonald's est de 90% ou plus à cause de leur volume d'achat, leur puissance en tant que grande entreprise multinationale. Du concentré pour 50 000 Coke, ça coûte 2,60$, incluant la main-d'œuvre. Wow. Un seul cent américain, de sirop peut faire environ 200 verres de Coke. OK, fait que même nous autres, quand que si on achète un 2 litres à l'épicerie, on se fait complètement avoir. Complètement avoir. Et même sur The Stream, ils font pas mal de profit là-dessus aussi. Donc, ben mais oui. Tu sais, c'est beaucoup moins cher pour le client, mais en tant que tel, tu pourrais encore payer moins cher. Je pense que tu devrais t'acheter une machine avec une grosse caisse de sirop. Je pense que je devrais ne pas faire ça pour ma ligne. L'autre fois, j'achetais des douzaines de canettes depuis que je suis déménagé au mois de mai. Et ça mesure des fois 3 jours, mettons. Fait que je pense que c'est pas une bonne chose. Quand j'achète un 2 litres, au moins je l'ai fini, puis je n'en rachète pas avant un bout. Fait que les liqueurs en bouteille, il y en a moins dedans, puis j'ai moins tendance à en prendre parce qu'il y en a, t'sais. Ouais. Donc, allez-y avec les bouteilles. Ouais. Le nouveau format McCafé, si on revient à McDonald's, a augmenté leur profit pour les boissons chaudes et c'est considéré comme un des facteurs qui fait grandir la compagnie, donc qui monte leur... Ça m'étonne, il est tellement dégueulasse, le café. Je connais des gens qui trippent bien raide sur le café de McDonald's. Bien raide, là, tu sais, comme genre, j'en veux tout le temps. Puis il y en a qui en achètent pour en faire chez eux, c'est ça que je comprends pas. Mais bon, il est pas mauvais, là. C'est meilleur que Tim, je trouve. Non, voyons. En tout cas. Quand même pas. Ils ont changé la formule, apparemment, qu'il y a une nouvelle formule du café. Puis... En tout cas, bref. On reste dans. Là, on parlait de café, les choses qui me donnent des bruits de mal à l'estomac. Bon. Ah, ok, ouais. C'est vraiment un gain. Moins. Tout, c'est ça. Tout le temps. Dormir sur ton côté gauche pourrait t'aider à soulager tes brûlements d'estomac. Et voilà. Donc, aussi connu sous le nom de pyrose. En français, c'est quoi pyrose? En tout cas, pyrosis ou indigestion. Acid indigestion en anglais. Donc, c'est une sensation de brûlure dans la poitrine. Il y a une solution pour apparemment avoir moins mal, soulager les symptômes. Plusieurs études nous suggèrent que dormir sur le côté droit va aggraver les reflux gastriques. Alors que se coucher, sur le côté gauche va aider à les calmer. L'hypothèse suggère que en dormant sur ton côté droit. Attends un peu. En dormant sur le côté droit. Ça empire. Ton sphincter, les termes en anglais, lower esophageal sphincter, qui lui doit garder la nourriture dans l'estomac et ne pas lui permettre de renvoyer la nourriture par la gorge. Donc, ce truc-là va se relaxer quand tu dors sur le côté gauche. Et donc, l'acide de ton estomac remonte. Ça, c'est sur le côté droit, excuse-moi. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça. Si c'est sur le côté droit, ça va faire ça. Puis ça va. Ça te slack le sphincter. C'est ça. Puis l'acide dans ton c'est corps. Ça se promène plus, ça monte. Et ça va faire des mouvements d'estomac. C'est ça. Ça, c'est quand t'es sur le côté droit. C'est sur le côté gauche, ça fait pas ça. Et donc, ça va pas les soulager, mais juste pas en crise. Genre, c'est ça. Ben, peut-être que ça peut les soulager si t'en as justement. En te couchant sur le côté gauche, ça te jamme le sphincter. Ah! Nouveau slogan, c'est fou, ça te jamme le sphincter. Donc, les biscuits Oreo sont les biscuits les mieux vendus du 20e siècle, ça veut dire ça. Les mieux ou les plus? Les quoi? Les plus vendus ou les mieux vendus? Les mieux, ceux qui se vendent le plus. Maintenant. Parce que ça dépend, si tu dis les mieux vendus, tu sais, admettons leur marketing est excellent. Non, c'est ça, si tu dis, hey, achetez nos biscuits, ils sont bons, puis t'as l'autre marque à côté, genre, ah ouais, mange mes biscuits, puis ils taxent ton argent, c'est pas bien vendu. D'accord. Tu vois-tu? Oui, j'approuve et j'apprécie. Ouais, c'est bien. Donc, c'est le biscuit qui se vend le mieux. Le plus. La langue française. Donc, ils vendent environ 500 milliards de biscuits. Ils ont vendu environ 500 milliards de biscuits depuis leur invention en 1912. Leur début juste en vente. Ça. Juste 500 milliards. La recette annuelle d'Oreo demande 18 millions de livres de cacao et 47 millions de livres de leur délicieuse crème. Mmh. Mmh. D'ailleurs, cette crème-là était faite de gras de porc avant. Entre autres. Ah, ouais. Le sandwich Oreo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ben oui. Hein? Est fabriqué avec 71% de crème et 29% de biscuits. C'est créé par la compagnie National Biscuit Company, qui est devenue Nabisco. C'est National Biscuit, Nabisco, on a vu le principe de leur chose. Ils ont changé certaines affaires pour que les biscuits soient un petit peu meilleurs pour la santé. Ils ont remplacé les gras trans avec d'autres huiles végétales non hydrogénées. Oui. Voilà. Comme la margarine. Enfin, la margarine. On reste en nourriture. Parfait. C'est pas pire quand même, un petit bloc thématique. Le sandwich, donc qui a dominé notre enfance, peut-être. On parle de beurre d'arachide et confiture. Que ce soit avec ou sans croûte, était quelque chose de luxueux. Et pour les plus grandes, les plus hautes classes de la société à l'époque. Sandwich, beurre de peanut, confiture. Ouais. Ah. Ouais, ça a un petit peu changé depuis. Hein. Donc, avant de trouver son match parfait avec la confiture, le beurre d'arachide était mélangé avec d'autres nourritures. Par exemple, le fromage, hein, les craquelins. Mais c'est bon avec tout. C'est bon avec tout, en effet. Le pimento, je connais pas ça. Pimento? Le pimento, ça doit être le piment. Non, je sais pas. Je pense pas, exactement. Le nasturtium, je connais pas ça non plus. C'est ça. Le watercress, je crois que c'est un cresson, quelque chose comme ça, le watercress. Ça se pourrait. Quelque chose comme ça. Moi. Donc, c'était mélangé avec ça. Donc, on peut remercier un numéro du magazine Good Housekeeping de 1896. Ooh. Je sais pas si à l'époque, c'était un journal et non pas un magazine sur papier glacé couleur. Donc, c'est eux qui ont eu l'idée d'utiliser un meat grinder, un truc pour la viande, pour faire du beurre d'arachide malléable, tartinable, tiens. Crémeux. Et pour ensuite le tartiner sur une tranche de pain. La confiture est entrée en scène en 1901. Julia Davis Chandler, dans le, attention, Boston Cooking School Magazine of Culinary Science and Domestic Economics. dans ce très catchy magazine, évidemment, qu'on appelle le BCSMSCSD. Même ça, c'est long! Donc, le beurre d'arachide est devenu beaucoup plus économique à la fin des années 20 et a rapidement descendu dans les classes de la société. Ça a été popularisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les sandwichs ont été ajoutés aux rations, des soldats de l'armée américaine. Voilà. Un sondage en 2002 nous apprend que l'Américain moyen va avoir consommé 2500 sandwichs, beurre d'arachide et confiture avant même de graduer à l'école secondaire. Ah, tant que ça? C'est beaucoup. 2500. Je pense pas avoir mangé 2500 dans ma vie, même si ma vie est de ma naissance à ma mort. Je pense pas avoir mangé 2500. Vraiment. Non, non, moi non plus, je pense pas. On n'est pas américain, non? Non. Mais pour vrai, dans les jours difficiles, j'ai déjà amené ça comme lunch. Oui. Et c'est pas mauvais. Et c'est bon. Ça nourrit. C'est quand même... Oui, c'est du bol d'épinards. Ben oui. C'est plein de protéines. C'est un substitut. Mais c'est sûr que on s'entend, le bol d'épinards, si tu prends les petits nounours, qu'il n'y a plus vraiment de pinards dedans, c'est pas si nourrissant que ça, là. Soudainement, j'en veux. Soudainement, je me suis acheté un nouveau pot avec des petits nounours dessus, puis il n'est pas encore ouvert, ça. Ah. J'ai hâte. Donc, continuons avec un dernier fait avant de terminer cette portion de C'est un fait. On va parler, en fait, du métro de New York et d'une pointe de pizza à New York. Qu'est-ce que ça a en commun? Ah cool, il y a encore de la bouffe. Ouais, ben c'est ça, c'est le bloc culinaire. C'est vraiment aucun rapport avec la nourriture, sauf pour le fait qu'on parle de pizza, mais par la bande. Donc, qu'est-ce que ça a en commun? Le prix d'un billet de métro à New York et une pointe de pizza dans la rue. Depuis les années 60, en fait, le prix est exactement le même entre les deux. Ah? Même avec le changement donc, de l'un et de l'autre. Donc, tu peux choisir. Est-ce que tu veux prendre le métro? Tu retournes-tu chez vous, tu manges la pizza, tu dors dans la rue? Choix facile à faire, hein? Ben oui. Donc, la corrélation très étrange a été observée pour la première fois en 1980 par un New-Yorkais natif, Eric M. Bram. Bram, Bram, comme on dit, comme on l'appelle. Oui. Donc, il a dit que depuis les années 60, le prix d'une pointe de pizza dans la rue allait exactement avec une précision incroyable avec le coût d'un seul billet de métro, donc un token qui est bon pour une balade en métro. Ensuite, Clyde Haberman, columniste, chroniqueur pour le New York Times, a inventé le terme « pizza connection ». Pizza Connection. On dirait une affaire de mafia. Tu vois ça sur un poster là, pour un film avec Al Pacino, « The Pizza Connection ». Donc, ensuite, le New Yorker a validé la théorie et on a dit qu'on peut vraiment prédire l'augmentation des prix de pizza par rapport au prix, l'augmentation du prix d'une passe de métro et vice-versa. Donc, la Pizza Connection a été renommée. Donc, malheureusement pour Clyde Haberman, ça n'a pas duré longtemps son affaire. C'était renommé en Pizza Principle, qui est beaucoup plus catchy. Quand tu as deux P, c'est une altération. Ben on oui, fait là-dessus. Ben oui. Pizza Principle, come on! On dirait aussi peut-être le directeur d'une chaîne de pizza, c'est le Pizza Principle, le principal. OK, mon principal. En 2005 et en 2007, les prix des pizzas ont augmenté et on se demandait justement si ça allait faire augmenter les passes de métro. Et en effet, avec la corrélation, ça a augmenté à 2,25$ en juin 2009 et à 2,50$ en 2013. C'est fascinant. Vraiment. Voilà pour cette première partie de It's a Fact. Tout à l'heure, un autre bloc, mais pas de thématique, juste des faits. Au hasard. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une pièce que j'aime bien, super pop. Puis tu sais comment j'aime pas tout ce qui est pop et tout ce qui est commercial. Mais celle-là est assez borderline pour qu'elle reste du bord du bon goût. C'est celle de Chromeo. Voici Jealous I Ain't With It. Ah ben oui. C'est fou. Quel refrain. FM, la radio campus de Trois-Rivières. Hey, saviez-vous qu'on est en direct du Grand Prix à partir de 11h20 aujourd'hui, jeudi? Non, on est déjà le vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Ils sont moins réalistes que ceux du début de l'émission, je trouve. I got strung up from a love band. I wish she'd care to see, but she only cares when she's got the time. And I fret so much about a love band. I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I ain't with it. she gives some sort of sign. But you know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see you with those other guys wearing the jacket out of bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the friends talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the friends talk to my girl, I ain't with it. I ain't with it. Loving, I wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come back around, I feel like committing a crime. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à Assemblage Rocky avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Et tantôt, on était dans C'est un fait. Je t'ai dit que c'était une émission spéciale aujourd'hui. On fait une heure de C'est un fait et une heure de Ça existe, mais ça répond là. Pas pire. Ben, certain. Fait qu'on rechante. Ah, OK. Ouais, ouais. Ah, non, attends, excuse-moi. Non, c'est celle-là. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Peine trop fort. Voyons. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Faut que j'arrête de bouger, sinon je sors pas bien. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. J'ai finalement pris la confiance pour la faire au complet. Ben, t'es forte, moi je l'ai pas encore. Fait que... Je trouve ça tellement stressant. J'ai peur de gâcher ta toune. Moi, c'est que je m'en rappelle pas à chaque fois qu'il faut que je la fasse. C'est comme une surprise à chaque fois. Ah, oh, c'est vrai. C'est comme ailleurs dans les palmarès, à chaque fois, je dis, oh, Colin. Pourquoi? Donc, deuxième partie de cet effet, il n'y a pas de thématique, sauf pour commencer avec les voitures, parce qu'on est en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça va commencer à 11h20 pour ceux qui écoutent le jeudi. Donc, dans les années 50, la Cadillac Eldorado avait un mini-bar dans le coffre à gants. Mmh. Je te jure. Pourquoi j'ai pas ça, donc? Ben, ça se trouve sûrement encore quelque part. Je sais pas si c'est peut-être rendu illégal. Par contre, donc, mais ça dépend. Si c'est de l'alcool dedans. Ben, c'est ça, mais c'est que c'est fait vraiment pour accueillir des bouteilles. C'est assez profond pour ça. La photo est sur assemblagerocky.com. Donc, Eldorado est une voiture, un véhicule de luxe à deux portes. Donc, c'était fabriqué par la division Cadillac de General Motors entre 1953 et 2002. Ses compétiteurs étaient la Lincoln Mark Series et la moins chère Buick Riviera et la Oldsmobile Toronado. Donc, l'Eldorado était au sommet ou presque au sommet de la ligne Cadillac pendant les premières années du modèle. La version originale de 1953, décapotable, l'Eldorado, et l'Eldorado Brougham entre 1957 et 1960. Elle est vraiment belle. Oui, quand même, vraiment. Tu sais, au moins les chars, je connais... Mais je suis capable de dire si c'est beau ou si c'est laid. C'est ça, on a l'œil pour ça. Hein, on est ben superficiel au bout. Là, t'as une belle voiture. Hein. Donc, entre 1957 et 1960, étaient les modèles les plus chers que Cadillac offrait pendant ces années-là. Et l'Eldorado n'a jamais été en bas du deuxième modèle en termes de prix après la Cadillac Series 75 jusqu'en 1966. Donc, l'Eldorado de Cadillac des années 50 avait un mini-bar dans le compartiment, dans le coffre à gants. On voit les slots, bâtard. Voilà, c'est les fentes, l'emplacement, voilà. Pour mettre les bouteilles de phare dans sa voiture. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Sarcastiquement parlant, ironiquement, peu importe. Toujours dans le domaine des voitures, un peu. Ceux qui. La compagnie derrière Grand Theft Auto. Tu connais la série de jeux vidéo Grand Theft Auto? GTA, GTA, comme on l'appelle. Donc, le jeu, la série GTA, est remplie de controverses depuis sa création. Ça a été condamné, en fait, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Ça a été banni au Brésil. Je sais pas c'est quoi la différence entre condamné et banni, ben honnêtement. C'est probablement la même chose. Je pense que condamné, c'est peut-être de dire oh, « vous devriez pas jouer à ça », alors que banni, tu peux juste pas l'acheter. Je pense que c'est le contraire. Condamné, ça doit être vraiment... c'est illégal, mais banni, ça doit être juste... On le vend pas, mais si tu l'as, c'est pas grave. J'ai plus l'impression que c'est ça. Et c'est le groupe de musique de Manolo aussi, les banni. OK. Manolo. D'accord. Donc, c'était banni au Brésil à cause de sa violence extrême et sa glorification de l'activité criminelle, nous dit-on. Par contre, ça reste une des séries de jeux vidéo les plus populaires sur le marché aujourd'hui. Comment est-ce que c'est devenu aussi populaire que ça? Ben, la compagnie Rockstar a joué un rôle dans le marketing du jeu. Ils ont engagé Max Clifford qui a, nous dit-on, inséré des nouvelles sensationnelles et controversées dans les médias en parlant. Ah. C'est lui qui a comme dit au journal, hey, vous devriez checker ça, TVA. Je sais pas si TVA en a parlé. Ouais. Sûrement 6 ans après la sortie. donc, le créateur du jeu, Mike Daly, a dit, je cite, donc c'est lui qui a créé de toutes pièces la controverse, ce qui a garanti que les ministres, tu sais, les ministères et les affaires comme ça, allaient participer à la controverse. Il essayait de garder le jeu tout le temps dans les médias, vraiment sans cesse. Donc, la publicité autour de ça a évidemment créé un paquet de problèmes. Les politiciens de la droite, particulièrement aux États-Unis, et les groupes d'activistes et autres manifestants. Le co-créateur David Jones, lui, par contre, dit qu'ils n'ont pas fait exprès pour rendre le jeu controversé. Ils voulaient juste faire un jeu amusant. Et quand tu t'amuses et que tu es un groupe de gars, tu sais, souvent, mais quand même, ça va des fois finir vers la violence et des affaires super. Mais non, mais tu t'attends pas de la controverse. À un moment donné, je pense qu'ils se sont donnés à cœur joie parce que. On s'entend que dans les armes, je sais pas si je pense que c'est dans le dernier, tu peux carrément te battre avec un gros pénis en silicone. t'as vraiment comme un jouet, là. Mais c'est aussi le fun, comme M. Jones dit. C'est le fun, c'est pas juste... Oui, mais il faut que tu t'attendes à essayer de la controverse là, quand t'as ça dans tes choix d'armes. Là. En effet, je veux les vidéos YouTube. Il y a aussi un segment du jeu, la mission s'appelle By the Book, où il y a de la torture que le joueur doit faire, donc c'est initié par le joueur. Les méthodes dans cette mission-là, c'est l'électrocution, l'extraction dentaire et le waterboarding, un peu comme dans les situations en Irak où on met de l'eau dans la bouche de la personne pour essayer de les noyer, là, pour leur faire avouer leur crime qu'ils n'ont pas vraiment commis parce que tu avouais n'importe quoi en dessous de. Oui. Mais tu peux faire ça dedans, Grand Theft Auto, je sais pas. Ça s'appelle By the Book. Ouais, c'est un peu intense, hein? C'est pas mal. C'est juste qu'il faut que tu saches prendre la réalité et la non-réalité. Exactement. Faut que tu fasses la différence, là. Tout à fait. Parlons de famille un petit peu maintenant. Si t'as pas eu de ce qu'on appelle du inbreeding, ça c'est quand quelqu'un de ta famille couche avec quelqu'un de ta famille et ça crée un enfant. C'est de comment t'as ouais? Tu sais, quand tu couches avec quelqu'un, mettons, au cousin, puis t'as un enfant avec ton propre cousin. OK. Comment t'appelles ça? Inbreeding en anglais, mais en français, il y a sûrement un terme pour ça. De l'inceste. Ouais, l'inceste à volontaire. À autre échelle. Donc, si on ne compte pas ça et que tu recules 25 générations en arrière, tu devrais avoir 33 554 432 arrière, ça commence à être long, arrière-grands-parents. Si tu additionnes tous tes ancêtres du passé, incluant tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ceux que je viens de mentionner là, il y en a comme un méchant paquet, tu aurais un total de 67 108 862 ancêtres. Et tout ça est vrai seulement si aucun de tes ancêtres a eu un enfant avec quelqu'un dans ta famille, genre 23e cousin, ça compte, là, tu sais. OK, ça fuck l'arbre. Ben, c'est sûr que l'arbre est fucké, parce que c'est sûr que c'est arrivé dans le temps, c'était moins mal vu, j'imagine. Non, mais on s'entend, même si tu dis un cousin... éloigné. 23e cousin, il n'y a pas le même nom de famille. Là, ben pas... non, puis je veux dire, il ne te ressemble pas non plus. Ben là, non. Puis probablement que ça se peut que tu ne le saches jamais non plus. La là. Seule façon de le savoir, c'est si tu fais l'arbre généalogique complet de la famille. Là, et longtemps. Là. Ben oui. Vraiment bonne longtemps. Chance. Donc tout ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais la formule est 2 à la 25. Donc, ça donne 33 millions. Et 2 à la 25, plus 2 à la 24, plus 2 à la 23, plus 2 à la 22, etc. Là, ça fait le chiffre que j'ai donné tantôt. Tantôt, 67 millions. Hein? Des mathématiques. Ben oui, c'est ça. On va arrêter ça tout de suite. Un duel entre deux personnes. Un duel, ouais. C'est tout le temps, deux personnes. Sais-tu comment on ouais. appelle un duel entre trois personnes? Un triel. Non. Une truelle. Une truelle. Un truel, en fait. Mais oui, un pour truel. Vrai? Un truel. Ah, ben là, comment? Donc, il y a eu plusieurs duels célèbres à travers l'histoire, plusieurs avec des personnes, des personnalités connues de l'histoire. C'était à l'époque honorable. C'était pour te battre pour ton honneur, pour ton honneur. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'honorable. Non, mais c'est le fun de comment dire, menacer quelqu'un d'un duel. Je te provoque en duel! Avec un gant. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un duel à trois personnes pendant un truel? Non. Mais ça existe. La procédure pour un truel, on va le faire. Ça doit être dur. Je veux dire, comment tu te concentrer à deux endroits en même temps? C'est sûr que il va se faire une clique. Ouais. Ils vont te tuer, puis après ça, ils vont finir ça ensemble. C'est ça. Quand tu te concentres sur un truel, tu te concentres truel. Tu fais ça d'une ruelle? Ah, peut-être. Est-ce qu'il y a français une ruelle? Ah! Tu pars là-dedans. C'est ça l'idée. Donc, la procédure d'un truel, si jamais tu veux en faire un, si tu te retrouves à l'intérieur de ça, comment jouer et survivre. Les joueurs vont marcher à une distance appropriée, entendue par les trois personnes. Ils vont se retourner pour se faire face l'un à l'autre, en triangle, exactement. Ou en genre de cercle pas tout à fait droit. Donc, un triangle. Après, ça dépend où ce que tu fais passer les lignes. C'est ça. Faut que tu regardes d'en haut. Faut que tu aies un drone avec une caméra. Oui, oui, oui. Un laptop ou un iPhone. OK. Donc, c'est ça. Le reste, c'est juste le gros bon sens. Donc, tu dois tirer sur les deux autres avant que celui-là te tire. Mais oui, c'est ça le gros bon sens. C'est ça le gros bon sens. Le premier truel, en tout cas, celui qui a été écrit, mais qu'on sait, c'est dans une pièce de théâtre de A.P. Herbert, Fat King Melon. Le gros roi melon en 1927. Bon, donc les truelles ne sont pas vraiment communs, mais on a déjà entendu parler de ça quand même. Au cinéma, dans les films, ça a été utilisé dans The Good, The Bad and The Ugly. Donc le bon, la brute et le truand. Et le truand, ça vient de là. C'est ça, exact. Et dans le film Reservoir Dogs. Ah, Réservoir à chien. Réservoir à chien. Donc c'est pas avant 1967 que le nom truelle a été utilisé par contre. La psychose partagée. Shared psychosis, un syndrome où deux personnes ou plus partagent la même délusion. Si on veut en français, c'est sûrement un mot meilleur que délusion. Des illusions, c'est ce que je pense aussi. Je sais aussi. Pas. Donc, on appelle ça folie à deux. Donc, ça peut être... ça vient de là, c'est Ménage à trois. Oui. C'est de la compagnie Folie à deux, peut-être. Ça, ça ressemble. Il y a aussi eu un album de Fall Out Boy qui s'appelle Folie à deux, en français, d'ailleurs. Ah. Mais donc, c'est un phénomène psychologique réel. Lorsque deux personnes partagent la même désillusion ou délusion, qui est souvent transmise d'une personne à l'autre, le même syndrome est partagé donc par deux personnes. On peut aussi le partager à trois, que ça s'appelle folie à trois. Il y a folie à quatre, il y a folie en famille. Nouveau quiz à V, sûrement. et même folie à plusieurs. donc, tout ça tombe sous le nom officiel de Shared Psychotic Disorder ou encore Induced Delusional Disorder, désordre désillusionnel induit ou encore désordre psychotique partagé. Il y a deux types de présentations pour ce syndrome-là. Le premier type, c'est une personne dominante qui impose sa désillusion sur quelqu'un d'autre qui sinon en aurait pas eu. Donc peut-être un fondateur d'une secte, quelque chose comme ça peut-être? Ben je sais pas, je t'arrête à me demander, j'écoute une émission, ça s'appelle Famille Apocalypse, puis ils se préparent pour... La fin du monde ou les zombies. La fin du monde, mais ça change pas mal. Ben, c'est pas des fois, c'est la même chose. Des fois, c'est pas toujours la même chose. Ils s'attendent à ce qu'il va y avoir une pandémie incroyable dans le monde. Ou L'Ebola en ce moment, j'imagine. Les quoi? L'Ebola. Je sais pas. Tout le monde en parle. Non? Mais non, j'ai pas pogné ça à date. Là. C'était bien. C'était aussi surtout la crise de l'essence, la crise d'essence. Qui manque d'essence. Mais en tout cas, ben c'est ça. Fait que là, ça va devenir la folie qui manque d'électricité puis tout ça parce qu'ils vont au Troisième Guerre mondiale. Puis c'est vraiment des familles qui se préparent à ça, mais sont vraiment obsédées. Il y en a qui y vont dépenser comme des milliers de dollars. Il y en a qui se font des bunkers en dessous de la maison où ils se font vraiment des plans. Tu sais, ils ont des sacs à dos enterrés. un peu partout. Ils ont des trajets pour s'enfuir. Ils s'achètent des gros camions. Pis tout ça. C'est vraiment obsédé. Ils se mettent de la bouffe de côté. Puis des fois, je regarde, je suis comme, mais tu profites pas de ta vie du tout. Fait que je me demande si c'est pas un peu ce genre de folie-là qu'un membre de la famille va comme partager avec le reste de sa famille, puis tout le monde doit s'entraîner. Il y en a qui se sont vraiment... ils s'en vont dans le bois carrément, puis ils se pratiquent à manger des bibittes, puis à faire du feu. Ah oui, il y avait une famille, il y avait vraiment le rite de passage pour les enfants qui deviennent un homme, puis ils s'en vont dans le bois. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il fasse son abri, puis il fait son feu, puis il chasse sa bouffe, ses bibittes. Pis... C'est quelqu'un qui voudrait être survivaliste, là, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, survivalist, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il me semble qu'il devrait se protéger contre peut-être les tornades, peut-être les affaires, tu sais, l'eau dans ta maison. Protège-toi contre des affaires qui vont arriver dans la vraie nature. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on s'entend, ils se protègent pour des choses. Ça se peut que ça arrive pas, puis tu gâches un peu ta vie, puis ils sont vraiment obsédés, là. Ouais. Mais il y a des gens facilement influençables comme ça, hein. C'est super intéressant. C'est Famille Apocalyptique, tu sais, Apocalypse. Famille Apocalypse. Parfait. Mais c'est des survivalistes, là. Cool. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé du premier type où une personne va induire ça à l'autre personne. L'autre deuxième présentation de ce syndrome-là, c'est quand toutes les personnes étaient précédemment prédisposées à avoir des désillusions. Le syndrome est surtout diagnostiqué lorsque deux personnes ou plus vivent en proximité et sont souvent socialement ou physiquement isolés. Ils ont très peu d'interactivité avec les autres. Mm-hmm. Donc, vu qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde, ils ont tendance à plus le croire parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves du contraire. Bon. Voilà. Ensuite, les couleurs. Parlons des couleurs. Ouais, c'est intéressant, pourquoi ça? Pourquoi pas? Notre capacité à remarquer les couleurs dépend du langage, à savoir si le langage, la langue que tu parles, a cette couleur-là dans sa langue. Ah ben oui. Donc, le langage est une invention humaine quand même assez puissante, tellement puissante que ça affecte la façon dont on voit le monde. Par exemple, l'arc-en-ciel est séparé en couleurs individuellement. T'sais, on regarde l'arc-en-ciel puis on voit ça, c'est rouge, ça, c'est jaune, ça, c'est vert, c'est coupé. Pas dans cet ordre-là, mais c'est coupé. Vraiment pas, en fait. Donc, c'est ça. Mais en réalité, les couleurs se transitionnent de façon complètement subtile de l'une à l'autre. Mais vu qu'on connaît, on a des mots pour chacune des couleurs, on voit la différence entre ça, c'est un vert, ça, c'est un jaune, tu sais, ça, c'est un rouge, ça, c'est un orange. Moi, j'ai de la misère avec le vert, avec le rouge puis l'orange. Ça se peut? On a révélé le nouveau logo de C'est fou hier sur C'est fou.ca, si vous voulez aller voir. Et sur Facebook. Le rouge, le logo rouge, je trouve qu'il a l'air rouge. Tout le monde me dit que c'est un genre d'orange. Mais ça dépend, on n'a pas toutes la même perception. Puis des fois, la transition, je veux dire, quand c'est. On s'entend, on sait comment ça fonctionne, là, c'est des quantités de bleu, de rouge et dans les couleurs. Donc, à un moment donné, tu vas être en plein milieu entre la transition de deux couleurs. Donc, c'est sûr que cette couleur-là, peut-être que dans une autre langue, elle a un nom, cette couleur-là. Mais nous, on ne l'aperçoit pas parce qu'on connaît juste les deux couleurs qui sont. Comme au-dessus et en dessous. Donc, c'est sûr que celle-là, ben, il y a une personne qui va dire, ah, ben, moi, je vois plus de rouge dedans, moi, je vois plus de jaune, fait que ça donne une autre couleur. C'est comme ta bouteille, je la regardais hier, j'étais comme, ah, elle est comme verte puis jaune, mais je sais pas quelle couleur qu'elle est. C'est vraiment en plein, entre les deux, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de jaune, fait que ça donne. C'est comme les crayons de cire, tu sais, t'as bleu-vert pis t'as vert-bleu, sont quasiment pareils. Ouais, oui, le turquoise qui tire sur le vert, le turquoise qui tire sur le bleu. No idea! Donc, on met des étiquettes sur différentes couleurs pour nous aider à décrire le monde, mais c'est pas une science exacte, comme tu l'as dit. Par exemple, il y a plusieurs langues qui ne distinguent pas le bleu du vert. Pour eux, c'est une seule couleur. Il y a pas de couleur entre ça sur l'arc-en-ciel, donc c'est pour ça, j'imagine, qu'ils ont choisi que celle-là, c'était un gros bloc de couleurs. C'est considéré comme différentes teintes d'une même couleur. Les choses sont plus intéressantes quand tu prends quelqu'un qui connaît le bleu et le vert comme quelque chose de différent, comme nous en Amérique du Nord, et quelqu'un qui les connaît comme la même couleur, et que là, tu leur demandes ça, c'est-tu bleu ou vert? Ou c'est-tu l'équivalent dans l'autre langue? Là, donc, c'est ça. Ça donne quand même une drôle de discussion. Les gens qui distinguent entre deux couleurs... Attends un peu. Ben, le reste, pas intéressant. Voilà, donc, pour le bleu et le vert. Mais je peux comprendre. Ça peut avoir l'air bizarre pour nous. Mais si tu regardes, par exemple, du bleu poudre et indigo, on s'entend, là. C'est deux couleurs totalement différentes. Ça. Mais ça reste que c'est des variantes du bleu. Et si le bleu et le vert est la même couleur, le vert qui ressemble à un jaune... Tu sais, est où la limite? Ben, probablement qu'eux autres, c'est jaune. Peut-être, hein? Mm-hmm. Parce que c'est très loin. La ligne n'est pas à même place dans leur grade. C'est ça, c'est ça. Bizarre. Au début des années 1900, les fermiers utilisaient des clôtures pour communiquer. Mm-hmm, c'est bizarre. Les fermiers aux États-Unis donc sont très débrouillards. Quand les compagnies de téléphone, la compagnie, j'imagine qu'il y en avait plusieurs à l'époque aussi, trouvaient ça trop cher de rendre, d'amener leurs câbles téléphoniques jusque dans les campagnes, les communautés de fermiers ont voulu résoudre le problème. Donc, les méthodes de communication au début des années 1900 étaient évidemment primitives et les fermiers étaient coupés complètement du monde, du reste du monde. Il n'y avait aucune façon pour eux de partager d'informations par rapport à la météo, les feux, les problèmes en général, aux autres fermiers du coin. Évidemment, les fermes sont loin l'une de l'autre. Mm-hmm. Donc, l'invention du téléphone et ensuite, la procréation de ce téléphone-là, okay. L'éparpillage, le tartinage de ce téléphone-là. L'expansion, je pense. L'éparpillement. Encore mieux dit. Donc, a donné de l'espoir aux fermiers. Par contre, les compagnies de téléphone focussaient sur les villes en premier. Donc, en 1902, un groupe de fermiers du Montana a décidé de construire son propre réseau de téléphone. Les fermiers ont découvert que si on branchait un téléphone, l'appareil, au fil de barbelé sur les clôtures qui séparaient les fermes, on pouvait faire des appels. Donc, ils ont commencé à utiliser le téléphone comme ça. Il n'y avait pas d'opératrice, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était pas mal juste des femmes, les opératrices au téléphone. Mm-hmm. Il n'y avait pas de facture à payer et aucun frais d'interurbain. J'imagine qu'il n'y avait pas ça à l'époque. Je sais pas s'il y avait ça. Est-ce qu'on pouvait même faire des interurbains? Je sais pas. Aucune idée, mais bon. C'est pas, je trouve ça brillant. Oui. Pour ce qu'ils ont de l'air dans ma tête. Quand tu dis des fermiers du Montana, moi, pour vrai, je les voyais, tu sais, avec des salopettes, des fourches, des chapeaux de paille, puis deux dents. Et c'est exactement sûrement ça, je pense. Surtout en 1900 quelque chose. Puis là, ils sont comme super brillants, ça vient un peu fucker mon image que j'ai en tête, là. Ben, félicitations, ils sont débrouillards. Quand ils veulent quelque chose, ils vont le faire. Oui. Il y avait des billets de 10 000 $ dans le temps. Parlez pas. Hein? Pas à la même époque non plus. Mais bon, donc les choses coûtent cher aujourd'hui. On devrait s'attendre à ce que les billets de 10 000 $ soient récemment arrivés. Peut-être que là, on est rendu avec des billets de 100 000 $ tellement que les choses coûtent cher dans la vie. Mais non, les États-Unis fabriquent rien de plus qu'un billet de 100 $. Did you know? Oh, il me semble qu'au Canada, on a des billets de 1 000. Au Canada. Hein? Mais aux États-Unis, 100 $ max. Rien qu'autant en haut de 100 $ aussi. Non, mais c'est parce que ça fait des plus grosses valises quand tu veux faire des échanges de drogue, tout ça. C'est exactement la raison. T'es un devin. Donc, évidemment, d'avoir des billets de plus de 100... d'avoir seulement des billets de 100 $, ça fait que les gens qui transportent beaucoup d'argent sur eux doivent avoir un assez gros portefeuille. Mais c'est exactement ce que le gouvernement veut. Avant, il y avait des dénominations plus élevées qui ont été imprimées pour la dernière fois le 27 décembre 1945. Mais elles n'ont pas été officiellement discontinuées avant juillet 1969. Donc, ça incluait des billets de 500 $, 1000, 5000 et 10 000 $ en 1961. En 1969, les plus gros billets ont commencé à être enlevés de la circulation par le président Nixon. En date de 2009, seulement 336 billets de 10 000 $ existent au monde. 336 billets. Ensuite, 342 billets de 5 000 $ et 165 372 billets de 1 000 $ sont toujours en circulation aux États-Unis. Ou ailleurs, j'imagine. Nixon, on a parlé que c'était lui qui avait enlevé ces billets-là. C'est lui qui a décidé d'enlever les dénominations plus élevées de la circulation, étant donné que les transactions électroniques étaient utilisées pour des transferts légaux à grande échelle. Donc, quand tu avais besoin d'envoyer de l'argent, pas besoin d'un billet. On n'a pas besoin de ça, non. De plus que 100 $. Je veux dire, déjà, pour les fois que ça arrive que j'ai un billet de 100 dans mes poches, tu veux le garder, mais tu peux pas, parce que t'en as besoin. Tu sais, j'entraîne pas beaucoup sur moi. Hein. Même si j'avais les moyens, je traînerais pas des billets de 1 000 $ sur moi. Je veux dire, c'est bien trop dangereux de se faire voler. Ben oui, j'ai de la misère à traîner juste de l'argent en général au cas où que je me ferais voler. J'aime pas ça. J'aime mieux l'argent électronique. Là. Puis ça va être en masse. Ah, ouais, vraiment. Ah ouais. On disait que les gros billets étaient utilisés pour faire des transactions illégales, de la drogue, au-delà de la frontière et la contrefaçon, bien sûr. Sans les gros billets, transférer de grosses sommes d'argent est plus risqué et donc est vraiment difficile pour les cartels. Donc, ben oui. C'est pour fait ça. Il faut soit qu'ils vendent moins cher, qu'ils fassent des plus petites transactions ou plus de valises. Exact. Et on termine avec un fait sur les cheveux, Steph. T'as ça? Ah! Des cheveux, oui. Ouais. Mais toi aussi, Mathieu. Moi, même moi. Ils sont juste moins longs. C'est non, ça. T'en as peut-être pas moins. Ils sont juste moins longs. Ah, bon point. Ah, j'en ai moins de superficie. Alors, peut-être. En volume, maintenant? En volume. Ouais. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens vont shampooiner leurs cheveux une fois par jour. Plus les gars, je pense. Les filles, c'est quoi, une fois par deux jours? Pourquoi plus les gars? Je sais pas. J'ai entendu, j'ai l'impression qu'on se lave plus souvent les cheveux que les filles parce que les filles, c'est plus de trouble, non? Ben, c'est pas une question de trouble. C'est une question que si tu laves trop. C'est pas si mieux. C'est pas bon. Exactement. Donc, on a commencé à shampooiner quotidiennement seulement dans les années 70 et 80. Donc, le rituel de se nettoyer les cheveux constamment a créé un nouveau mouvement qui s'appelle le no-poo. Pour pas de shampoing, mais je sais pas où, pourquoi. Il y a caca dans le mot. Hein. nos poux. Ouais, ouais, c'est pas bon. De kéké. Pas de kéké. On s'empêche de faire caca tous les jours. Donc, la croyance est que laver tes cheveux à tous les jours, dans le fond, c'est que ton cuir chevelu va manquer d'huile nécessaire et essentielle qui sont là naturellement. Donc, le corps va augmenter la production de ces huiles-là pour compenser. Ça brise l'équilibre naturel de ton cheveu. L'équilibrium. Non, ça va être plus difficile après ça de garder tes cheveux au frais. Au frais. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Au frais, en santé. Donc, ça va être un cercle vicieux. Donc, comment est-ce que les gens qui sont amateurs de no poo, comment est-ce qu'ils font ça? La façon la plus naturelle et efficace est de se laver les cheveux avec seulement de l'eau. Donc, pas de shampoing, pas de produits chimiques. Et si c'est pas assez, il y en a qui vont utiliser de la bicarbonate de soude dissolue. Mélanger à. Avec de l'eau. Et un truc plus acide, il y a des produits pour ça. Du vinaigre, des œufs, puis. Des œufs, je sais pas, mais du vinaigre, ça je savais. Mais il y en a qui se mettent de je pense que c'est du blanc d'œuf dans les cheveux. Ok. Tu fais comme un masque, et puis ça, là, c'est bon. Ben oui. Tu sais comment j'aime la salade aux œufs. Il y a aussi du miel et de l'huile de noix de coco qu'on peut utiliser pour ça. Intéressant. De l'huile de. Je sais pas, tu dois être graisseux en sortant de l'huile. Un petit peu, hein. Ça contrevient au but principal qui est de ne pas avoir les cheveux gras. J'avoue. Mais ceux qui sont vraiment grainaux, après ça, se servent des noix de coco pour, comme brassière aussi. Fait que t'es huileux. Pis... Comment tu fais ta propre huile de coco? Mais ça. Tout le temps. Donc voilà pour cet fait. Tu te fais même pas à souper et hey. Tu vas pas me faire croire que tu vas extraire ta propre huile de coco. Hey. Je sais même pas comment on fait ça. Sous-estime-moi pas. Non, je t'estime tout court. Ouais. Voilà pour cet effet. On continuera ça la semaine prochaine dans notre case horaire régulière à 15h les jeudis. Mm-hmm. Tout le temps en début d'émission, ça, cet effet. Hein? Oui, la ouais, première oui. Heure. On peut chanter. Oui, mais là, on a assez chanté. C'est assez. Ah, on peut plus chanter? Non. On peut chanter d'autres choses? Ouais, si tu veux, qu'est-ce que tu veux chanter? Veux-tu chanter du. La vache à Maya. Chante-moi du Beef Donut, le Found Like This. Ah oui. Chante-moi ça. Voilà. T'es pas pire, Adam, c'est très pas réaliste. Pire, hein? Je peux commencer à parler en même temps. Ben, j'ai deux bouches. Ouais. Je chante avec mon nez. Ah, c'est celle-là. Okay. We'll be right back. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Toujours assemblage requis. Stéphanie, à mon sujet, aujourd'hui, tu as appris que j'aimais les choses molles en ondes, je pense. Tu as appris, hors ondes, que j'aimais pas les grumeaux et que j'allais aller sur YouTube regarder le gros pénis dans GTA. Ça me fait peut-être une drôle de personnalité. Ça nous amène à Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. C'est sexiste que ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles trouvés sur Internet. Wouhou! Wouhou! On va se faire une petite liste de magasinage pendant la prochaine heure au complet. C'est une super méga chronique de Ça existe. Parfait, on va être encore plus pauvre. Oh oui! Donc, commençons avec une chaise roulante. C'est plate être en chaise roulante, j'imagine. C'est ça, on ne peut qu'imaginer. Mais on peut pimper sa chaise roulante maintenant. Avec des flags tout. Des flags. En fait, ça va devenir presque une moto. C'est l'idée, c'est le Firefly. Donc, la compagnie Rio Mobility nous présente son Firefly, une nouvelle méthode de transport pour les adultes et les enfants qui sont pris en chaise roulante, mais qui peuvent toujours utiliser leurs mains et leurs pieds. Leurs mains et leurs bras, évidemment. Sinon... Marche. Tu peux être faible aussi, tu peux pas avoir l'utilisation de tes pieds et ta chaise roulante, on sait, mais quand même. Bon. Donc, le Firefly, c'est donc des poignées électriques qui s'attache à une chaise roulante existante et qui va doubler la vitesse et la distance donc d'une chaise roulante électrique normale. C'est complètement ajustable pour être compatible avec une grande variété de différents modèles de chaises roulantes pour enfants et pour adultes. Le Firefly a donc un throttle style motocyclette avec 5 niveaux de puissance et 12 000 à l'heure sur la route. Le gros pneu en avant va même vous permettre de faire des aventures tout terrain, presque. Je sais pas. Au féminin, des aventures tout-terrines, je pense. Toutes terrines. Ça pèse environ 25 livres sans la batterie et ça va s'accrocher facilement et se détacher pour être facile à ranger. Vous pouvez voir la petite vidéo de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. C'est clair que si j'étais en chaise roulante, j'en voudrais un. Deux mains. Je veux dire, ça, c'est cool, là. Ça change complètement ta vie. Tu deviens badass, là. C'est... ouais. Badass, ouais, ouais. Vraiment? Le Rio Mobility Firefly coûte 1950$, seulement ça. Dépendant des circonstances, de votre assurance santé, de peut-être si vous travaillez dans une OSBL, peu importe, vous allez pouvoir peut-être avoir de l'argent pour payer en partie le Firefly. Voilà. Ensuite, toujours sur la route, hein, petite thématique route pour rendre hommage à notre célèbre Grand Prix de Trois-Rivières qui commence à 11h20 sur nos ondes. Vroom. Oui. Signalisez vos intentions à vélo. Avec les biking gloves, mais comme gloves, mais avec un W, parce que ça brise. Oh oui, parce que ça glow. Et bonhomme, toi, gloves. Quel jeu de mots incroyable. Donc, les vélos, d'habitude, ne viennent pas avec des lumières dessus. Ça vient avec des réflecteurs, mais ça vient pas avec des lumières pour clignoter. C'est ça. Bon. Donc, pendant la journée, tu peux utiliser ta main pour signaliser aux gens si tu vas tourner à gauche, à droite. Je sais même pas c'est quoi les signes. Je fais ça des signes dans les mains n'importe comment. Gars, m'en va par là. Pas besoin d'avoir un signe, m'en va par là. Mais, je m'excuse, mais moi, je suis tellement pas agile sur un vélo que lâcher le guidon d'une main, ça. Je peux pas. Je suis tellement d'accord. Faut que tu fasses des signes de pied. Ce qui est aussi dangereux. Donc, tu te feras pas voir si t'es le soir, par contre, évidemment. Ben non. Donc, avec ce kit-là et vos propres gants, non, les gants ne sont pas fournis, vous allez pouvoir fabriquer une paire de biking gloves. Faut que tu t'y fabriques. Oh ouais, c'est un peu bizarre. Donc, le kit do-it-yourself vient avec des lumières LED, du fil conducteur, une petite batterie format montre, et un truc pour le tenir après le gant et les instructions. Une fois assemblé, vous allez pouvoir faire un point pour compléter le circuit, hein, et ça va allumer la lumière sur le gant. C'est cool. Tu vas mettre ta main à l'extérieur de ton... loin de ton corps. Donc, le kit do-it-yourself, kit biking gloves est disponible sur Etsy pour 33$. Ah, mais c'est quand même pas si cher, c'est le fun, parce que ça fait vraiment la petite flèche. Fait que là, si les gens comprennent pas... C'est leur faute, là. Ouais, ouais. C'est ça. Ils ont quelque chose contre toi ou ils vivent à Québec. Les animateurs de radio à Québec parlent contre les cyclistes. Ah, c'est ça, je sais pas. Prenez votre revanche maintenant sur les mauvais conducteurs. Tiens, les idiots sur la route, il y en a beaucoup. Et quand ils arrivent, si mettons tu le suis et t'arrives dans un stationnement et tu sais que son char est là, achète les petits autocollants « I park like an idiot ». Tu sais, parce qu'ils se stationnent comme des idiots. OK, tu mets pas ça sur ta propre voiture. Non, exactement, c'est ça. C'est seulement pour les gens qui se stationnent mal. Mettons, t'arrives dans un centre d'achat, le char est croche, est entre deux stationnements, tu mets l'autocollant, je me stationne comme un imbécile, et le problème est réglé. Hein? Ça va certainement gâcher leur journée. Est-ce que ça s'enlève bien? Je sais pas. Je voudrais pas vandaliser la voiture de quelqu'un d'autre. Je voudrais vraiment pas. Ben, c'est un peu illégal. Ben, lui, il a comme vandalisé le stationnement, tu vois? Ouais. Stationnant croche. C'est 10$. Drôle. 10$. Je sais pas pour combien d'autocollants. Un nouveau. Tu sais, dans la vie, tout est intelligent de nos jours. T'sais, on a des téléphones intelligents, des voitures intelligentes, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes. Et selon le test de quotient intellectuel qui se promène sur Facebook, tout le monde est intelligent. Exactement, parce que c'est très, très crédible, c'est un test Facebook. Ben oui. Donc maintenant, on a une clé USB intelligente. Quand même. On ajoute ça à la liste. Le Smart Keychain par Creative Designs Inc. Ça a une connectivité Bluetooth intégrée. Donc, vous allez pouvoir localiser vos clés par Bluetooth. C'est aussi une clé USB, là, vraiment pour pouvoir mettre des choses dessus. Ça ne dit pas combien de gigs. Ça serait bon pour tous les gens qui animent assez fou, qui laissent leur clé USB dans l'ordinateur. Tu pourras pas partir, t'as pas tes clés. Fait que tu vas revenir chercher ta clé. Tu parles de moi. Hein? Non. J'ai encore oublié lundi. J'ai appelé David et Jean-Philippe. Donc, c'est une clé USB. On ne sait pas combien de gigs. Et donc, vous n'allez pas quitter votre maison sans votre clé USB. Ça va vous donner que de raisons. Dans le fond, vous n'allez jamais oublier votre clé USB à la maison ou au bureau parce que vous devez partir avec vos clés. C'est pas mal ce que tu as dit, finalement. Donc, le Smart Keychain va aussi afficher vos courriels, vos alertes de calendrier, vos messages textes sur la clé. Elle est vraiment affreusement laide. Elle est vraiment terrible. On dirait une clé du Dollarama. Vraiment, là. Surtout les capuchons, ça fait cheap en tabarnouche. Mais vraiment? Moi, tant qu'à ça, je me serais arrangé pour que le petit bout rentre en dedans. Ouais, le petit bout rentre en dedans, c'est ce qu'on veut. Toujours, tu et l'écran dessus a l'air d'un écran de pagette des années 90. Mais oui, c'est vrai, on dirait pagette. C'est ça que je me suis dit tantôt. As-tu vu que le mot « talk » est sur deux lignes? Il y a le « t » sur la première ligne et le « orc » sur la deuxième ligne? Ouais. Même pas capable de faire du saut à la ligne, tu sais. Non, mais... Ah, okay. Ça peut être pratique parce que, admettons qu'à la fin, il te manque juste la place pour une lettre. Ouais, ça se pourrait. Bon, on s'entend que la longueur du message est très limitée aussi. Aussi. Il y a que d'inconvénients à cette clé-là. Mais honnêtement, moi, ça me. Je sais pas, j'aimerais ça recevoir mes courriels avec les USB. Je veux dire, j'utilise pas tant ma clé USB. Non, mais c'est que ta clé USB est dans ta poche et ton téléphone est aussi dans ta poche. Donc, si tu veux lire ton message texte, tu vas le prendre sur ton téléphone pour pouvoir répondre. Genre. À moins que tu portes ta clé USB dans ton cou, là. Parce que c'est vraiment l'équivalent du pagette. Oui. T'as ton message, mais tu peux pas répondre. C'est exactement comme c'est un pagette. C'est ça. Aïe, aïe, j'avais pas. Oui. C'est sur Indiegogo, ça ramasse de l'argent en ce moment. On demande 59$ sur Indiegogo. Allons voir s'ils sont rendus assez loin. Ils sont rendus à 1%, il reste 15 jours. 220$ américains ramassés sur 30 000. C'est pas bon signe, ça. 30 000 piastres, c'est ben trop haut. Mais voyons donc. J'espère qu'ils vont améliorer le look s'ils sont pour avoir 30 000 piastres un jour. Là. La police de caractère aussi. Oui, oui. La couleur, le plastique, le matériau utilisé. Eh boy. Est-ce que tu es amatrice de selfies? Je connais déjà la réponse. De selfies? Ben oui. Ben oui, tout le temps, avec la bouche en canard, tout le temps? Ben non, pas en bouche en canard. Non? Je suis plus du genre à prendre ma bouffe en photo. C'est ça. T'es une foodie. Hashtag foodies. Ouais. Ouais. Mais pour ceux qui aiment les selfies, premièrement, que faites-vous assez fou? C'est la question que je me pose, parce que c'est pas votre station, mais même. Non, on s'entend, là. C'est pratique de se prendre en photo soi-même pour changer sa photo de profil. Ah, j'avoue, mais c'est parce que y a une différence entre prendre sa photo soi-même et prendre des selfies, qui est le bras bien en avant puis face de canard. Moi, je trouve que ça va ensemble, là. Non? Ah ouais. Et tu sais, t'en prends tous les jours, à chaque affaire que tu vas faire, tu vas tout le temps en prendre, tu sais. C'est pas pareil. Juste prendre une photo de soi-même, ça existait avant que les selfies existent. Ben oui. Exactement. Avec un retardateur là, sur les appareils photo. Ben exactement. Ici, pas besoin de retardateur parce que c'est un miroir qui prend ta photo tout seul. Ah. Ça s'appelle le selfie. Hein? Selfie qui veut dire Self-Enhancing Live Feed Image Engine. Un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'ils ont pris le mot selfie et qu'ils ont trouvé les mots qui fitaient avec. Ben oui, ben oui. Donc, ça fonctionne avec un Mac Mini caché à l'intérieur, donc de l'autre côté du miroir. Miroir qui est équipé d'une webcam, de lumière LED pour faire assez lumineux dans votre selfie. Tout ça connecté sur une puce Arduino qui fonctionne comme timer pour prendre la photo. Le miroir va prendre la photo et elle va la poster sur vos médias sociaux, réseaux sociaux, tout seul. Évidemment, c'est un concept, on peut pas l'acheter, mais c'est le Selfie Mirror créé par iStrategy Labs. Pardon, il y a une petite vidéo de démonstration d'une minute à peine sur assemblagerequis.com. Qui montre pas grand-chose, soit dit en passant. Non, mais l'essentiel est là. Moi. Mais ça peut être cool parce que tu vois pas ton bras dans les airs, là. Exact. Et tu peux prendre vraiment la pose que tu veux. À la place de tout le temps demander à ton ami ou à ton chum ou peu importe de « Hey, peux-tu me prendre la photo devant le mur? Hey, peux-tu me prendre la photo avec ma nouvelle robe? » Exemple de même. Mais moi, à chaque fois que... Admettons qu'on est à Montréal. Je donne un exemple de même. On exemple. Est à Montréal, puis je demande à mon chum de me prendre en photo. Là, je dis mon chum, là, c'est hypothétique, là. Écoute... Appelons-le, mettons, David. Mettons. OK. C'est un nom tout à fait hypothétique, là. Oh, oui. En fait, il y avait un magasin qui est un gag de Pérus, c'est Roche-Beaubois. Ah, c'est ça le gag, là. C'est un gag de Pérus. Et je me suis dit, mon Dieu, je veux une photo avec le magasin Roche-Beaubois en arrière. C'est très drôle parce que je savais pas que ça existait. Et là, je prends mon chum en photo devant Roche-Beaubois. Je dis, je veux exactement ce cadrage-là. Tu sais, je veux que tu fasses ça okay. avec ma face. C'est bon, ça. Reproduis ce que j'ai fait. Parce monkey que, see, monkey do. Parce qu'il est vraiment pas bon. Tu sais, il est du genre à prendre vraiment trop loin. On voit pas les pieds où il y a, tu sais, 6 pouces au-dessus de la tête et que rien. Fait que je donne vraiment l'exemple. Je veux cette photo-là. C'est donc bien demandante, exigeante. Hein? Mais écoute, il a quand même pris de super loin, tout croche. Je t'ai donné un exemple. Fait que même ça, ça fonctionne pas. Même si quelqu'un a un dessin avec un papier transparent, il réussira à faire une autre affaire complètement. C'est ça, fait que faudrait que je traîne mon miroir avec moi en voyage. Tellement. Wow. Quelle anecdote. Parlant de, tiens, ton copain fictif, OK, David, en guillemets, est merdique pour prendre des photos, on va se le dire, merdique. Hein? Oui, là, est-ce que tu t'enlignes pour faire une joke de caca? Ouais, c'est un peu ça. Quand tu bouches la toilette avec ta marde, t'as besoin du happy poo! Qu'est-ce que c'est ça? C'est le contraire du no poo, le shampoing de. Pas de shampoing tantôt, no poo. À la place, c'est happy poo! C'est OK, c'est le shampoing heureux. Le caca, shampoing heureux. Donc, après avoir pris une grosse dompe, comme on dit, ça se peut que la toilette décide de ne pas coopérer et de ne pas vouloir renvoyer ça là où. Dans sa tombe, si on veut, qu'on appelle l'égout. Donc, c'est pour ça qu'on a un happy poo. C'est une couverture, un cover de siège de toilette qui va essayer de reflocher la toilette pour toi quand elle est bloquée. Sans avoir à utiliser un plongeur, genre quelqu'un qui lave la vaisselle chez Stratos, tu l'utilises pour vider la toilette. C'est ça que ça fait, un plongeur, je pense. Non, un plunger, c'est le truc pour déboucher les toilettes. Je pense qu'on comprend assez. Donc, un siphon, la vie qui va. Les petites marionnettes. C'est ça. Moi, j'étais sur une autre affaire. Ainsi va la vie qui va. Ainsi va la vie qui va. Je pense. C'est quoi ça? Je sais pas. Donc, tu places le cover sur ta. Sur ta. Ton. Ta bol. C'est ça. Et tu. Avec ton poing, OK? Tu vas t'assurer que c'est bien collé tout le tour. Et avec ton poing, OK? Tu vas peser par en bas. C'est... Dans bol? Dans bol. Donc, étape numéro 1, lever le siège de toilette. Étape numéro 2, essuyer le côté, le pourtour, si on veut, de la bolle avec, peu importe, du papier de toilette. Bon. Ensuite, vous attachez le Happy Poo sur la toilette. Happy Poo, c'est pas le nom du gars qui s'occupe du dépanneur de Simpsons? Happy Poo? Non, c'est Happy. Donc, tu vérifies que c'est bien collé, tu flushes et tu appuies au centre du Happy Poo avec ta main, donc vraiment très, très fort. Ça peut être ton poing, ta main. Si tout se passe correctement, la toilette va se flusher. Ça va faire une suction. OK. Et donc, présentement, ils ramassent de l'argent sur Kickstarter. On demande un minimum de 8$ pour avoir votre propre Happy Poo. Allons voir pas. Où ils sont rendus. Ben, c'est que ça va créer un seau. Ça va être scellé autour de la toilette. Et tu vas créer donc de la pression en appuyant sur le truc. En fait, je me demande... moi, c'est ce que j'avais compris. Mais en y repensant puis en m'imaginant tout ça, je pense que tu manipules peut-être les besoins pour qu'ils passent dedans. Non? Ben non. Non? Je sais pas. Non? Ben non. Non, hein? Non, il fait juste peser sur le... Ah oui, c'est en plein ça. Moi, je pensais que ça perçait le trou. Non. OK, tu fais juste que... OK, tu scelles le dessus de ta bolle de toilette. C'est pour ça qu'il faut que ça colle, et vraiment. C'est pour ça que tu pèses et tu enlèves. Donc, ça fait la suction que ça ferait avec le siphon. Moins, sans mais... être obligé d'aller jouer avec le siphon dedans. Exact. Ah! C'est ce que j'en comprends, mais c'est ça. Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça. Et je me dis, tu sais, bon, c'est sûr que tu t'empêches de toucher à quoi que ce soit de sale. Mais en même temps, avec le siphon... tout ce que tu salis, c'est le siphon. Après ça, tu laves le siphon, puis tu laves les mains. Puis... Mais faut quand même que tu nettoies le siphon, là. T'as pas besoin de nettoyer le papier. C'est ça. Je nettoie le siphon dans mon bain. Mais c'est ça, je veux dire, je. Puis ça arrive combien de fois par année? Après ça, faut que tu laves ton bain, là, on s'entend. Ah, ouais. Hein? Ah, j'avoue que c'est moins une trouble. Il y a juste 23 backers. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas fonctionné. C'est terminé en ce moment. Ils ont ramassé 450$ sur 35 000. Je pense que c'est à cause du nom. Ça s'appelle Happy Poo. Thank you, come again. Comme disait Apple. Ensuite, t'es tellement paresseuse, Steph, je te le dis. Que t'es au bureau, mettons, et tu dois te reposer, mais t'as pas d'hamac, mettons, t'as pas de divan. Il te faut le foot desk foot rest. C'est un hamac pour tes pieds. Ça, tu peux te jacker, genrer pendant que tu travailles à l'ordinateur. Exact, pourquoi qu'ils ont pas appelé ça le jacking the jarrets? Mais c'est parce que je fais tout le temps ça sur ma chaise de cuisine ou au bureau, j'avais tout le temps les jambes remontées sur les boîtes en carton. Ouais. En dessous du bureau, j'avais tout le temps les jambes par-dessus ça. Ouais, ou sinon les jambes de ton chum, entre guillemets, mettons supposément peut-être David. Tu mets des fois les jambes dessus, j'imagine. Et autre chose. Pas quand j'étais à l'ordinateur. Non. Quoique. Hey, mets-toi à quatre pattes, Jackie, pieds sur toi. Donc, les jambes étirées, croisées, peut-être en chiffre en quatre. Mettons, tu sais, quand tu mets la jambe en dessous de ton autre jambe, ça fait comme un quatre. T'sais. Des fois, il y a de la position, ça achète quand tu mets la jambe en dessous de ta autre jambe. Ok, oui. Ça fait un quatre. C'est comme en demi-indien. Je veux pas être raciste. Non, mais attends, non. Apu. Ouais, c'est ça. On a parlé d'Apu, puis on l'a aimé. Donc, peu importe votre façon de vous asseoir, c'est pas confortable, souvent, et vous allez donc changer de position tout le temps, vous allez avoir des fourmis dans les jambes. Donc, le foot desk foot rest est un hamac pour vos pieds qu'on attache sur chaque patte, en fait, sur deux pattes opposées de votre table de bureau. Vous attachez cela et vous pouvez ensuite ajuster le torque, la hauteur, je sais pas comment on appelle ça, il y a un mot. La résistance, tu sais. OK, mais c'est comme un élastique. C'est comme un élastique, exactement. Pas comme un vrai hamac, parce que c'est pas un élastique, parce que sinon tu vas t'asseoir. Non, c'est dessus, puis fou! Donc, les cordes aussi vont être sécuritaires, vont bien tenir. On peut ajuster, comme je disais, la hauteur, dépendant de comment tu veux placer tes pieds. C'est disponible en ligne pour 30$. Encore une fois, c'est le foot. Ça vraiment cool. F-U-U-T. F-U-U-T. F-U-U-T. Moi, je suis certaine que je m'en servirais. Je me demande juste si c'est facile de passer à la position travail à la position repos. Enlever tes pieds de là, maintenant? Non, mais c'est parce qu'il faut que tu étires. J'avoue. Faut que tu ajustes la résistance, comme tu disais. Je me demande juste si c'est facile à faire. Parce que si c'est long, je sais que je le ferai pas, puis je vais juste. Parce que, tu sais, si t'as acheté le hamac à pied, c'est que t'es paresseuse. Donc, demande-moi pas d'installer ça trop souvent. C'est ça, ouais. Exactement. On se comprend là-dessus. On reste dans le domaine des hamacs. Tu sais, l'été, il n'y a rien de plus amusant que de se coucher dans un hamac. Ou encore, option B, se coucher sur le gazon. Hein? C'est le fun du gazon. Ça tâche les vêtements. Quand il n'y a pas de fourmis. Quand il n'y a pas de fourmis, ouais, c'est ça. Ou de crottes de chien. De terre. De mois de pisse. Des fois. Ouais. Mais combine les deux ensemble, ça te fait un hamac en gazon. C'est le Terregrass Field Hammock. Donc, vous pouvez combiner vos deux passions de sommeil ensemble. C'est fait tissu qui ressemble à du gazon. C'est pas du vrai. C'est du synthetic polyamide. Ça a pas l'air confortable. Tu trouves? Je sais pas. Ça a l'air rugueux. Peut-être. Tu veux dire comme du faux gazon, mettons qu'il y a des escaliers, mettons. Ouais. Ouais, peut-être. Sur un mini-golf, mini pot-pot. Donc, c'est supposé avoir l'air de gazon. Ça va être accroché entre deux arbres ou entre deux poteaux en utilisant du polyester pour les straps, les bandes. C'est aussi résistant à l'eau et aux rayons UV. On peut aussi l'accrocher à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est à environ 500$ chez Taer, donc T-A-E-R. Mais André, je me demande comment tu fais pour tenir dessus. Parce que dans un hamac normal, tu vas comme caler dedans, tu vas t'envelopper comme dans un cocon. Mm-hmm. Mais là, t'as l'air d'être juste couché sur une planchette comme en caoutchouc recouverte de gazon. C'est vrai. Donc, je me demande, moi, c'est sûr que si ça va balancer, moi, je vais tomber par terre à la seconde même où je vais poser ma fesse dessus. À la place du mal des transports, du mal de mer, c'est le mal du hamac. Oui, vraiment. On est dans un petit segment, pour ceux qui n'ont pas remarqué, de paresseux, hein, je pense. L'ultime paresse, ce serait que quand tu te rases, t'es pas capable de te mettre de la crème. C'est comme une étape de trop, ça. Tu sais, de la crème ou du gel ou peu importe sur ta face pour te raser. T'es trop paresseux. Donc, tu veux t'acheter un rasoir avec de la crème intégrée. Faut quand même que tu te mettes sur la face. Faut quand même que tu te le mettes sur la face. Mais t'as pas à la sortir d'une canne ou de trouver la canne dans l'armoire, tu sais. C'est dans le rasoir directement, à splouche-plouche. Oui, mais faut que tu remplisses ça combien de fois? Tu ne peux pas le remplir, c'est ça la pire affaire. Ah, faut que tu rachètes un autre rasoir? Exact, c'est le ShaveMate, un rasoir à 6 lames, jetable, avec crème à l'intérieur, dans le manche. Et c'est assez pour, on nous dit, une semaine de rasage. Pour ceux qui se rasent à tous les jours, je me rase une fois par semaine, moi, sûrement d'en avoir pour 6 mois. Donc, c'est ça. C'est du génie. Hein. Disponible en version pour hommes et pour femmes. La seule différence, c'est vraiment la couleur de l'affaire. C'est très, très sexiste et tout et tout. Donc, le rasoir est, comme je disais, jetable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le remplir de d'autres crèmes ou changer la lame. Mais quand même, c'est parfait pour si vous voulez aller en vacances, vous ne voulez pas avoir à vous casser la tête avec d'acheter de la crème à part, etc. etc. C'est aussi TSA compliant. Ça veut dire qu'à l'aéroport, ils vont pas t'arrêter parce que tu as du liquide. Tu sais, aux États-Unis, si tu as du liquide dans un contenant de plus de tel millilitre. Allez, oublie ça, ils s'en rendront pas compte. Non, c'est ça, c'est juste un rasoir. Ils verront même pas qu'il y a de la crème dedans. T'as-tu le droit de transporter un rasoir? C'est une lame. Oh! Tu peux aller tourner un avion avec ça? Oh! Ben, bonne question, Corinne. Je sais pas, mais ça dit que c'est TSA compliant. Parce que moi, j'ai entendu dire que les coupons, que ça passait pas. Ben, voyons. Aujourd'hui, ça doit passer, là, ouais. Ça doit avoir changé. Mais... Sûrement le 12 septembre, genre, le 13 septembre. Genre. T'as probablement raison là-dessus. On peut acheter donc un paquet, en fait, un seul ShaveMate pour 6$ ou 12$ pour un paquet de 3. Donc, tu sauves, t'en as un gratuit, c'est ça. Ben ouais. On c'est aime comme ça, les pains chez Costco. Pareil, toi, pareil. Ton pain de mousse. Sont pleins de mousse. Plein de mousse. C'est pareil comme les pains. Sont pleins de mousse. Ah ouais, ok, ouais, ouais. C'est juste une mauvaise blague. Ils sentent la menthe, tout ça. J'aurais aimé qu'on n'en parle pas autant. Non, c'est ça. On change de sujet. On reste dans la paresse avec une laisse pour les chiens, mais que t'as pas à utiliser tes mains. Main libre! Un main libre! Look, mom, no hands! Et Bluetooth? Non, ça serait fun, ça. Tu peux passer des appels en levant la queue. Donc, sur le site de... sur le site de Lichinou, L-I-S-H-I-N-U. De donc, Lichinou? Lichinou, ouais, c'est ça. Et encore, c'est ça? Encore l'affaire de lève la queue, ça. Donc, c'est une laisse pour chien qui fonctionne. C'est un bracelet avec velcro et un protecteur de néoprène doux. Donc, ça va libérer vos mains pour faire d'autres choses. Vous pouvez aussi régler la longueur maximale de la laisse entre 20 et 120 pouces, laissant votre chien se promener un petit peu n'importe où jusqu'à temps que vous décidiez de ramener la laisse. Il y a un truc pour barrer la laisse, aucun problème là-dessus. Et tu peux aussi le garder vraiment très très court parce que son collier qui va s'attacher à son cou a une petite poignée aussi. C'est pratique, tu peux attacher tes souliers en promenant ton chien. Incroyable. C'est combien ça? Ça ne dit pas sur la page. Je comprends pas. Le prix, c'est écrit genre signe de pièce TBA. À déterminer. Okay. To be announced. Je pensais que ça voulait dire que c'était trop cher. Fait que c'est cher. T'es drôle. On reste dans la paresse et celle-là, je te vois vraiment l'utiliser. C'est la lap mug. C'est une tasse, tu sais, quand t'es sur le divan et que t'as pas de table de coin. Tu veux garder ta tasse entre les jambes? Mais c'est pas pratique parce que c'est la forme d'une tasse, c'est pas fait pour être entre les jambes. T'as la en lance. Puis... Ben, il y a quand même une anse dans celle-là. Ouais, mais elle descend pas jusqu'en bas. C'est ça, exactement. Donc, la logistique, évidemment, de boire du café dans le divan, c'est tellement compliqué. Tu veux pas t'acheter ton nouveau divan neuf, t'as pas de surface plane, pour mettre ta tasse. Donc, pour tes longues sessions de marathon Netflix, tu pourrais acheter la lap mug, L-A-P-M-U-G. Donc, c'est en forme croche, un petit peu dans le fond, c'est fait pour être penché d'un côté. Donc, tu peux la mettre sur la table quand même. Ce qui est intéressant, tu peux quand même la mettre sur une mais table. Elle peut pas être pleine. Elle peut pas être pleine. Parce que ça va renverser, bien sûr. Évidemment, c'est. C'est une loi de la physique. C'est nouveau. Je pense qu'on vient de sortir cette nouvelle loi-là de la physique. Ouais, elle vient d'être adoptée. C'est ça. Aux Nations Unies. C'est ça. C'est 17$. Environ 10 livres sterling pour cette tasse lap mug. Maintenant, un petit bloc pour les gens sexy. Pour ceux qui veulent se montrer, pour ceux qui aiment les choses kinky. Tu vas à la plage non, et... Non, c'est pas sexy, ça. Pas là. Vraiment, non. Mais c'est même le contraire exact de sexy. Unsexy. En français, insexy, je pense. Donc, quand tu vas à la plage, mais malheureusement, t'as pas... mettons, ton copain, copine, ton entourage aime pas les plages de nudistes, mais toi, oui. Moi, ou tu voudrais faire du monokini, par exemple? Exactement. Avoir juste le bas, donc. Il te faut cette brassière Skin Tone Nipples Bikini Top. Donc, c'est vraiment un dessus de bikini, un haut de bikini. Couleur, ben, traditionnellement, peau blanche, très, très pâle. Genre, je sors pas souvent. Oui. Vraiment. Mais j'imagine que ça se vend en différentes teintes. J'espère pour eux autres, sinon racistes. Et sur le devant, t'as le mamelon. Et le truc autour, le leurre et la colle. C'est vraiment en lait. C'est vraiment affreux. 28$ par paire. Est-ce qu'on dit que c'est une paire parce que deux côtés? Ouais. Non, pas une paire. Ben, une paire de bobettes, ben, une paire de brassière? Non, ok. Ça reste laid. J'aurais l'impression d'être nu. Ben, pour vrai, pareil. Exact. Je sais même pas si c'était aussi pâle que cette couleur-là. Oh mon Dieu! Quoi? Mais je viens de voir le gris de pain à côté. Bon, parle-nous-en. Ben, c'est un toaster Domo. Hein, tout le monde connaît Domo, là, le petit bonhomme brun avec la grande bouche carrée avec des dents. Là. Asiatique un peu, genre. Oui, c'est pas mal ça. Dans Chinatown, je te dirais qu'il y a pas mal ça. Ben, c'est des Hello Kitty. Des Hello Kitty. Hey, j'ai dit, ça m'a sorti, c'était Hello, Hello Kitty. Hello Kitty. Il y a des Rollo Kitty, peut-être aussi. Ah, des Rollo au caramel et Kitty au caramel. J'en veux, il devrait le faire. C'est un Domo toaster. Hein? Never eat breakfast alone again. Tu manges plus jamais ton déjeuner seul. maintenant que t'as ton Domo toaster. Bon, ben ça, là, premièrement, il y a une face de Domo, il est brun. Puis ça te fait des faces de Domo sur tes toasts. Aïe, aïe. C'est ça, c'est cool. Wow. Fait que ça veut dire que ta toast est brûlée dans le milieu puis elle est pas assez grillée sur le toast. Puis qu'est-ce que... Attends, gag. Qu'est-ce que tu mettrais sur ta toast, Domo? Ah ouais, sois vite, tu t'es pas atteint. De Montgomery. Oui! C'était ça, j'avais l'entête. Je voulais que tu la sortes. Télépathie. De Montgomery. Sinon, je me dis que tu peux le tremper dans du lait de Beaujolais. De Beaujolais, du lait au Beaujolais. Ah, sinon, j'aurais pu mettre un petit pot de marmelade. De marmelade. Ok, retiens-le. Okay. T'as complètement bloqué, coupé en deux mon bloc Kinky Sexy, par contre. Parce que le prochain, c'est des... Non, mais c'est Kinky, là, il y a la bouche ouverte. OK, c'est ça, bien dit. C'est des petits collants de mamelon qui clignotent. Ben, qui n'a pas fait s'allume, c'est de la lumière. C'est glow in the dark. Ben, c'est ça, genre. Donc, c'est pour éclairer tes tétines mamelons avec différents styles. Il y a des... Des tétines mamelonienne. Mamelonienne. De mamelon. donc, oui, t'as des étoiles bleues qui clignotent et t'as une version multicolore. Il y en a des mauves. Des petites fleurs, des marguerites. 25$ pour ce modèle-là. C'est des faux seins. Des sur faux l'image. Seins. Pour vrai, je sais pas ça. Le prochain, j'aimerais que tu m'aides à décider si c'est vrai ou pas. Parce que je suis allé sur le site qui est mentionné en bas, stopmasturbationnow.org, et j'arrive pas à comprendre si c'est vrai ou pas. Donc, je vais en parler. Mon Dieu, je suis certaine que ça existe pour vrai. Moi aussi. Je pense aussi, mais en même temps, c'est parce que ça a l'air tellement... parlons-en. C'est la croix anti-masturbation. C'est pour entraîner votre enfant... C'est bien plus drôle en anglais. Anti-masturbation cross. Cross! Comme une cross. Ouais. Comme une croix, évidemment, on parle aucunement. On parle de la croix, mais en anglais. Il n'y a aucun jeu de mots à faire avec ça. Donc, pour entraîner votre enfant à ne pas se toucher dans ces zones dangereuses et même, ce péché capital, je crois. C'est le Papoose Cross and Arm Immobilizer. C'est vraiment une croix. Comme Jésus qui s'est sacrifié pour vos péchés et autres bullshit. Donc c'est pour les enfants de 5 ans et plus. On est placé en croix et il y a des velcros. Ben pas des velcros, là, j'imagine que ça tient mieux que ça, là, mais qui attachent vos mains de chaque côté avec... Des velcros. La paume par en haut. Et ensuite, ça peut être du velcro, il peut pas se détacher pareil. Il est attaché. Hein? C'est un enfant de 5 ans. Et plus, bien sûr. Et le reste du corps est aussi enveloppé de velcro, mais les pieds sont libres, donc tu sais ce que tu as avec tes pieds. C'est ajustable complètement. La tête est aussi ajustable pour être incorporée dans le... Non, c'est horrible, même la tête de lit. Il y a du velcro, là. Incroyable. Son front devrait pas bouger, là. Parce que des fois, il pourrait se contorsionner puis aller avec la bouche. Péché capital, encore une fois. Donc tout ça sur stopmasturbationnow.org. Je le mentionne, mais pour vrai, je sais pas. C'est sûr que ça se vend. Ben, y a des super chrétiens extrémistes, là, ouais. Mais on s'entend. Colin, éduque ton enfant, puis explique-lui c'est quoi, tu sais. Parce que dans le fond, il va vivre toute la journée surveillé par ses parents pour pas qu'il se touche. Et ensuite, quand il va aller se coucher, il va se faire mettre dans ce gadget-là pour même pas pouvoir se gratter. Même pas pouvoir se revirer de bord, même pas, je veux dire. C'est horrible. Et le logo, c'est une main avec un symbole anti dedans rouge. Mais ouais. Pas de main. Désolé pour ce gadget-là, ça existe peut-être. Mais ça devrait pas. Oh là, c'est le titre de la chronique. Ouais. Ouais. Comme dans les films, quand ils disent le nom du film, c'est bizarre. Tu fais comme, c'est le nom du film. Non? Ok, Ken, ouais. Ouais, tu sais. On reste dans le Kinky pour ceux qui trippent super-héros. C'est un oiseau, c'est un avion, non, c'est Superman des fesses. Il n'y a pas d'autres modèles? En tout cas, j'en connais pas d'autres, j'ai vu juste celui-là. Donc, c'est une paire de bobettes bleues avec une cape dessus, ben, bleu et rouge, là, un peu comme Il y a une petite cape. Il y a une cape de fesse en arrière. Oh! À la place d'un cape de pneu. Est-ce qu'il y a du tissu en dessous? Si tu lèves la cape, c'est-tu nu-fesse? Je sais pas. Ça devrait. Ben, j'espère. Vraiment, ça devrait. Pour être kinky, Superman, tu sais. Hein? Ouais, faudrait. Donc, c'est la Superman Caped Boxer Brief. Donc, une paire de sous-vêtements, tout ce que tu peux quand même, avec une cape détachable en velcro. Donc, je pense que, dans le fond, si c'est détachable en velcro, je pense en que... En velcro? Ouais. Ah, come on. Ouais. Laisse-la là. Ouais. Assume-toi. Ouais. Si t'achètes ça, assume-toi. Je veux savoir combien ça coûte sur Superhero Stuff. Ça coûte... .com, pardon. Ça coûte 18$. On reste dans le sexy, on s'en va aux danseuses, Steph. Yay! On arrête tout, on s'en va aux danseuses. Ah ouais, ah, Yana! Ah ouais! Ah ouais, frotte-toi! Frotte-toi. Donc, on va chez les danseuses et on doit leur lancer de la monnaie. Ben, pas de la monnaie, préférablement des billets, c'est un peu moins... Ça se met pas bien dans un string. Mais qu'est-ce que tu fais au Québec chez les danseuses quand t'as juste des billets de 5$ et plus? Comment? T'as pas de billets en bas de 5$ au Québec, non? Ben, tu donnes pas en bas de 5$, comment? C'est non, cheap. Non, mais pour vrai, aux États-Unis, tu le vois dans les films puis dans les émissions de télé, quand ils vont chez les danseuses, c'est des billets d'une pièce, mais plus souvent, tu sais. C'est pas des danses de cuisses, là. C'est juste pour l'avoir dansé devant toi. Mais tu donnes des 5$. Mais moins souvent. C'est ça. C'est des fois moins souvent. De toute façon, une danse à 10, ça reste 10 pièces, hein? C'est ça, je me demandais, y a-tu de l'inflation là-dessus? C'est-tu 13, 14? Je sais pas si ça a monté, hein? Danse à 10, bonne question. Tout le temps. Ben, j'imagine que t'as la laisse à 10, mais t'en fais moins, peut-être, la danseuse. Hey, ben, c'est une toune. Danse à 10, c'est une toune. Ah, c'est ça le twist, la twist? Ouais, c'est okay. Une toune. Là, la toune finie, là, hey, elle s'en va. Non, on récite un autre 10. Autre pièce, okay. Ouais. Donc, tu pourrais te rendre dans un club de danseuses, évidemment, et envoyer des billets d'$1 aux États-Unis, tout ce qu'il y a de plus traditionnellement parlant. Cet appareil-là va automatiser le processus. Ça s'appelle le Cash Cannon. C'est horrible. C'est un fusil rose qui a l'air tellement kitten et cheesy qui lance des billets d$1 en succession rapide, comme on dit dans les tunes de hip-hop, « Make it rain ». Faites qu'il pleuve du cash. C'est horrible. Je sais pas si c'est fait pour être vraiment utilisé, là, parce que pour vrai, c'est honteux. Mais 59$ pour savoir si ça fonctionne. Oh! Oh! C'est 59 petites danses minuscules, tout ça, devant toi. ou 6 au Québec. À 10$. Ben non. À 60$. 6. C'est 56. Ah, oh, j'arrondissais à 60$. Parce que tu peux pas arrondir vers le bas. T'as le pourboire aussi? Ah, il faut que tu sais pas en plus. Et je connais rien. Non. Va pas là, ça coûte cher, ça coûte cher. Va pas là, tu sais pas comment ça marche. un nouveau lubrifiant, on reste dans le kinky, à la marijuana, qui va vous donner un orgasme de 15 minutes. Ça s'appelle Foria. C'est le premier... Oh. Comment? Y a personne qui veut un orgasme de 15 minutes. Non, ça va être douloureux. C'est épuisant, là. Exact. T'as plus de plaisir. C'est... T'sais, hein? Hey. Alors, ça s'appelle Foria. C'est donc le premier lubrifiant à base de marijuana. Ça contient 360 mg de THC. Okay. Donc, non seulement est-ce que ça va vous rendre tout mouillé, là, je parle à vous, mesdames, ça va aussi supposément vous donner la possibilité d'avoir 15 minutes d'orgasme continuel. Continue. Je suis pas sûr. Pourquoi ça fonctionnerait? Je sais pas. Je suis pas médecin. J'en joue un à la radio. On arrête le kinky, à moins que vous tripiez sur les jeans mangés par les animaux de zoo. Parce que le prochain, c'est des jeans, en effet, mais qui ont été mordus et griffés par des tigres, des lions et des ours. C'est vraiment de morceaux de linge griffés. Vraiment, griffés, ah! Jeu de mots! Mais tellement subtil. Bravo. Donc, Kaminzu, à Itachi City, au Japon. Il y a un groupe de bénévoles qui s'appelle le Mineko Club, qui s'est joint à ce zoo-là, Kaminzu, pour créer les zoo jeans. Donc, c'est des pantalons de jeans déchirés, personnalisés par nul autre que des tigres, des lions et des ours, mais seulement de ce zoo-là. Les gens qui s'occupent des animaux, les entraîneurs et tout ça, ont donc emballé les jouets préférés de ces animaux-là dans le jean. Donc, on parle de ballons, caoutchouc, des vieux pneus, donc enrobés de jeans. Après, quand ils ont fini de griffer ça, de manger ça, on utilise ça pour les vendre. Il y a seulement un nombre limité de jeans qui ont été fabriqués, vendus en enchères pour des œuvres de bienfaisance, donc pour amasser de l'argent pour le zoo de Kamine et le World Wildlife Fund qui veut sauver les animaux. Au moins, c'est pour une bonne cause, sinon c'est moi stupide. Exactement. Tu sais, moi j'ai des shorts, puis je suis rendu avec une fente dedans, puis je me trouve vraiment mal propre. T'es rendu avec une fente? Une petite fente, mais... Fente, là. C'est du genou, là. Ah, ah. J'ai l'air encore rebelle. Non, non, c'est ça. Essaye pas. Là, tu vas peut-être un jour avoir l'air badass avec ça. Peut-être un jour. Je suis rendu à 1% badass. Maximum. Ceux qui ont une fan à la maison, on parle pas évidemment de mon harem de fans d'assemblage Ricky. OK. Tu parles d'une fan qui tourne... De ventilateur. Oui, OK. Mais de plafond. OK, seulement okay, de plafond. OK, voilà. Seulement. C'est, faut être précis dans la vie, là. Hein? Faut être précis. C'est comme le Mathieu Plante. Je crois que Mathieu Plante, si tu précises pas que c'est avec Mathieu Plante, tu te reposes. Ben faut être précis dans la vie, c'est important à préciser. Donc, ceux qui ont un ventilateur sur le plafond, vous avez besoin d'une petite chaîne pour pouvoir, évidemment, changer la vitesse et allumer et éteindre la lumière. Mais des fois, vous vous rappelez pas c'est quelle chaîne. Mais pas des fois, jamais. C'est comme, tu te demandes l'émission de survivaliste là, que tu as parlé tantôt, c'est à quelle chaîne. Tu sais pas, c'est quelle chaîne. Tu te demandes c'est quoi la chaîne. Ah, moyen. Donc, ici, c'est des chaînes personnalisées avec... un petit jewel, un petit bling-bling au bout, en forme de ventilateur et en forme de d'ampoule. Ah! Foutue bonne idée. Fait que là, t'as plus d'excuses, là. Jamais. C'est la fan. Caroline, il y a une fan au bout. Tu sais, c'est la fan. C'est laquelle? Ben, c'est la fan. Puis là, c'est clair, il y a quelqu'un qui te fait un tour puis qui va les échanger. Bout en train, hein? Toi! Tu sais que t'as rien à faire. Sac à papier. On va inverser la salière la poivrière. On va dévisser juste un petit peu le bouchon de la salière pour que ça te tombe sur ton repas. C'est des tours pendables, tu sais. Ah. Comme dans le pendelet. Pendelet, pendelet. Je pense qu'elle va bientôt finir cette chronique-là. Donc, le Harbor Breeze Brushed Nickel and White Pole Chain Set, c'est le nom de cet ensemble-là, disponible dans les magasins de rénovation, dont Lowe's aux États-Unis pour le bas prix de 7$. Voilà. C'est quand même cute. Moi, c'est cute. Moi, j'aime ça. Voilà pour la première partie. On va faire une deuxième plus rapide tantôt parce qu'on va manquer de temps. Il faut se rendre jusqu'à notre malbouffe et bouffe de la semaine. J'allais oublier qu'il y a une première partie à ça. On va aussi bien manger ou boire. Je dirais boire, parce que j'ai vu un indice. Je te l'ai dit, ça pouvait être mou. C'est peut-être du mangeable mou, c'est peut-être du pudding dans un verre. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Mais pour l'instant, on va entendre Paul Aléon. Voici Toon de chasse. Bang, bang. T'sais? Bang, bang. C'est bang, bang tout le long. Parce et des animaux qui meurent. Tantôt. Ouais, c'est ça. Ça va être ouais, toon de chasse. Tout le monde habillé en carotté. Avec un petit chapeau et des oreilles. La bête a trop perdu de sang, lumière reste froid. On traque, on l'amène à sa perte, la chasse est ouverte. Show. on a les mêmes guns. On a faim, faut rester muet, des cravings de fun. La bête n'a pas de chance ce soir, le braconnier sait y voir. La bête a trop perdu de sang, le mien reste froid. C'est quoi Tatooine? 89.1 FM. Bienvenue à C'est quoi Tatooine? Émission qui raconte C'est quoi Tatooine? Tatooine est une planète de l'univers de fiction Star Wars. Située dans la bordure extérieure, cette planète désertique est le refuge des plus vils brigands de la galaxie. La famille Skywalker est, entre autres, originaire de Tatooine. C'est quoi Tatooine? 89.1 FM. Et on revient après la pause! Assemblage qui pour toi aujourd'hui? CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Toujours à l'assemblage Rocky. On était dans 6 mais ça devrait pas, on l'a tantôt. Fait qu'on y retourne? On y retourne, toi! On commence tout de suite avec des bracelets. C'est le segment bracelet. Okay. Bloc thématique sur les bracelets, on aime ça. Donc celui-là, c'est un bracelet pour vous empêcher de ronfler. Ah? Moi? Ça marche-tu? Ben, c'est la question qu'on pourrait c'est se poser. C'est aussi bon que Pure Noisetier avec Marcel Leboeuf. J'ai toujours dit que ça devrait venir avec une petite figurine de Marcel Leboeuf. J'ai toujours dit ça. T'as tout le temps dit ça? C'est la première fois que je l'entends. Pour, c'est une bonne idée. Parce que je la dis souvent. Mais ouais, c'est vrai. Juste une petite figurine de Marcel Leboeuf. Un bobelet, genre? Ouais. C'est malade. Là, tu pourrais tirer sur une chaîne en arrière et ça dit Pure Noisetier. Pure Noisetier. C'est bon, je l'utilise. Donc, pour empêcher vos voisins de se réveiller à cause de vos ronflements. Hey, mon Dieu, faut te ronfler. Faut vraiment que tu ronfles. Il y a beaucoup de produits pour aider avec ça. Et celui-là s'appelle le Goodbye Ibikikun BRM 1810. Évidemment, c'est le premier nom qui te sort de la tête quand tu penses à un produit pour ça. On dirait qu'il est éternué, ça. Ibikikun. Ibikikun. Donc, c'est un bracelet japonais qui vous entend ronfler. Donc, pauvre lui. Et si vous le faites plus de trois fois dans une seule nuit, ça va générer un petit courant électrique qui devrait, en théorie, vous... électrocuter. Tu perds connaissance, tombe dans le coma. Et donc, tu ronfles plus. Et voilà. Donc, ça devrait te faire changer de position, en fait. Souvent, juste tourner sur le côté, ça va empêcher de ronfler. Donc, ça pourrait fonctionner, en théorie, si ça te provoque. Un peu comme ta copine, ton copain va te poker sur la cuisse pour que tu te vides de bord. Moi, ça marche pas. Je poke avec mon poing en retour, généralement. Et bon temps. Il doit y avoir des bleus pas mal. David, entre guillemets. Donc, 78... Un chum hypothétique. Mais ça. 78$ environ pour ce produit, le Goodbye Ibikikun EBRM 1810. Mais écoute, quand c'est ton dernier recours, c'est comme le Pure Noisetier. Quand c'est ton dernier recours, tu l'essayes. Je sais que ça fonctionne. Je l'utilise. Pas du tout. Un autre bracelet maintenant pour savoir quand changer ou ajouter de la... Ok, c'est vraiment thématique bracelet, t'en as plus qu'un. En fait, c'est pour juste ça que je vais faire dans ce bloc-ci. J'aime ça les bracelets. Donc, pour savoir s'il faut remettre de la crème solaire, Steph. Tu sais, mettre de la crème solaire, ça va pas te rendre imperméable au soleil. Ça va juste augmenter la période sécuritaire pendant laquelle tu peux te présenter devant le soleil. Ben oui. Donc, tu peux utiliser les sunscreen bands pour surveiller quand tu dois réappliquer de la crème solaire et quand est-ce que c'est le moment de rentrer à l'intérieur de la maison. Donc, avant de sortir, tu vas appliquer de la crème, mettons, SPF 15, FPS 15, en fait, sur ta peau qui va être exposée au soleil. Et aussi, tu vas en mettre sur ton bracelet. Hein? Après quelques minutes... Attends. Faut y aller étape par étape. Tu commences en mettant juste le bracelet. Après quelques minutes d'exposition au soleil, le sunscreen band va s'activer, va devenir mauve foncé. Tu vas mettre ensuite de l'écran solaire sur ton bracelet. Et là, tu vas attendre 15 minutes avant que ça sèche. Et là, ça va commencer à surveiller ton exposition aux rayons UVA et UVB pendant que tu relaxes, que tu travailles dehors, que tu nages, que tu joues au soleil. Oui, que tu nages, en effet. Quand le bracelet devient lavande, couleur lavande, un petit mauve pâle, tu vas avoir besoin d'appliquer une autre couche d'écran solaire à ta peau et au bracelet avant de retourner à tes activités. Une fois que le bracelet devient couleur crème, là, tu vas devoir entrer dans la maison ou te couvrir le corps parce que tu es arrivé à ton niveau d'exposition maximale que tu peux tolérer pour la journée, déterminé par le facteur FPS de ta crème solaire. Les sunscreen bands coûtent 12$ pour un paquet de 10. C'est à utilisation unique. C'est compliqué en bâtard, là. Ben non, c'est vraiment très intéressant. Le problème que je vois là-dedans, c'est que tu peux pas mettre ton bracelet et aller 15 minutes au soleil pour qu'il soit activé. parce que en fait, tu dois mettre la crème solaire 15 minutes avant de sortir. Donc, tu as déjà une demi-heure de trop d'exposition. Donc, il faudrait que tu le mettes au soleil. Après ça, tu vas vaquer à tes occupations à l'intérieur et ensuite, tu appliques ta crème solaire, mais il faudrait que tu ressortes. Ça marche pas. Parce qu'il faut que tu l'appliques 15 minutes avant de sortir, mais il faut que ton bracelet soit activé par le soleil. Tu vois-tu, genre... Je savais pas que c'était, qu'il y avait autant de règles. Ben, faut que tu mettes ça 15 minutes avant de sortir, parce que sinon, le temps que ça agisse, t'es pas protégé par ta crème. Ouais. Ben oui, il faut pas que tu mettes ça dehors, tu mettes ça avant. J'aurais jamais pensé ça. C'est écrit sur la bouteille. Voir que je lis ça. Et pour terminer, un dernier bracelet, mais qui se porte sur la tête. On reste dans le domaine de l'eau. C'est un tête-slet. Un tête-slet, exactement. Si un bracelet vient du mot bras, ou du latin brasse, non, je sais pas. Brassière. Donc, selon le Center for Disease Control, de 2005 à 2009, il y a eu en moyenne 3533 noyades accidentelles non intentionnelles qui n'ont pas rapport avec les bateaux. Donc, c'est quand même spécifique. Donc, annuellement aux États-Unis, c'est environ 10 morts par jour. Le iSwim Band vous envoie une alerte quand il ressent que votre enfant pourrait être en danger de noyade. Donc, il y a deux modèles. Un pour les nageurs qui est porté autour de la tête. L'autre qui est un bracelet pour les plus jeunes enfants et qui ne savent pas nager. Donc, le tête-slet permet aux enfants d'aller dans l'eau, mais il va vous envoyer une alerte sur votre téléphone s'il reste dans l'eau trop longtemps. Donc, la tête dans l'eau trop longtemps, c'est qu'il est en train de se noyer. Le bracelet pour les non-nageurs, lui, va automatiquement envoyer une alerte aussitôt qu'il va être mouillé. Donc, tu peux même pas le mettre dans l'eau. Si tu le mets dans l'eau, ça envoie l'alerte. C'est bizarre. Ouais, c'est parce que, tu sais, un enfant, là, ça aime ça, tu sais, faire l'étoile dans l'eau puis tout ça. Mmh. À un moment donné, je pense que tu deviens un peu trop... paranoïaque avec ce genre de truc-là. T'es tout le temps en train de te demander, bon, y a-t-il la tête dans l'eau trop long? Fais juste le regarder. Sois là quand il nage. Occupe-toi-en de ton enfant. That's it, là. Puis en plus, là, tu grilles avec une espèce de gros rond dans le front. Ça va être beau à l'école. Oh, wow. C'est pour pas que je me noie. Wow. Ça coûte 100$ environ. Non. Ouais, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà pour cette chronique-là. On va prendre une minuscule pause. Puis après ça, on revient avec la bouffe de la semaine. Parfait. On fait ça bien vite. Ouais. OK, restez là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis pour la semaine du 4 août 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est à une vingtaine de minutes environ de la couverture du Grand Prix sur les ondes de C'est fou. Pour ceux qui écoutent le jeudi, ça s'en vient 20 minutes environ. Hey, je suis tout énervé. T'es-tu énervé? Moi, je suis énervé. Ça va être fun. Pas pour nous autres, mais pour l'auditeur commun et pour C'est fou en général. Nous, personnellement, ça va être cool aussi. Oui? Ouais. Regarde la TV. Ben, c'est ça. Ça nous amène à quelque chose qu'on aime faire à la fin de chaque émission. Et comme la fin approche en ce moment, allons-y avec la bouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes intérieurs. Il y en a qui disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Oh! C'est la bouffe de la semaine! Mais hein, c'est la bouffe de la semaine! Et Steph, tu ne perdras jamais le titre de dictatrice en chef. Non, je serai toujours une dictatrice. Toujours, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que je vais faire dans la vie. Peu importe. Je resterai dictatrice. Je tiens à être folle. De toute façon, c'est qui décide ces affaires-là? C'est toi, parce que t'es la dictatrice! C'est évident! Donc, c'est la bouffe de la semaine, Steph. Ben oui, aujourd'hui, je te présente, écoute, ça se boit. Premièrement, oui. Il y a des verres. J'ai essayé de t'induire en erreur en disant que ça allait être mou, mais c'est liquide. Il y a aussi des bouteilles de liquide devant, donc ça, c'est un bon indice aussi. Il y a ça. Écoute, aujourd'hui, on va goûter ensemble